Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Podcastination. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, on va faire un petit bilan de l'année 2012 en ce qui concerne les mangas. Donc, je suis donc toujours avec Tuntun. Bonsoir Tuntun. Et nous avons un invité un peu spécial, un peu particulier qui s'appelle Kurita. Bonsoir Kurita. Bonsoir à tous. Et bien voilà, donc on va commencer, on va rentrer directement dans le tome du. Dans le vif du sujet, pardon. Ça commence bien. Alors on a en fait créé différentes catégories. Donc on va d'abord parler des mangas pour lesquels c'est le premier tome qui est sorti en 2012. Les one shot aussi. Bon là il y en a pour plus précis, il n'y en a qu'un seul dans cette catégorie-là. Également des séries en cours et des livres aussi annexes, mais qui parlent du manga. On parlera évidemment également des sorties prévues en 2013 et qui nous semblent importantes pour l'année à venir. Et enfin, vous aurez de toute façon sur les différents mangas que l'on va évoquer des tops ou des flops selon l'avis de chacun. Donc, ce qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans pourquoi est-ce qu'on a aimé ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé ces mangas. Donc, on va commencer tout de suite avec un flop d'ailleurs. Donc on va parler de Kuroko's Basket, pardon, qui a été donc édité par Kazemanga, dont le premier tome est sorti en 2012. Alors Kurita, donc tu l'as lu, tu as bien aimé au début, si je dis pas de bêtises, mais derrière Ouais. t'as déchanté rapidement. C'est ça en fait. Alors au début ça commence bien. On a des héros assez attachants, on va dire. Mais au final on se rend compte que ça se focalise justement sur deux personnages uniquement. Alors le basket c'est un sport collectif. Donc il y a 5 joueurs normalement. Et au final on remarque que ces seuls 2 joueurs arrivent à gagner tous les matchs en jouant tous les deux. Et il y en a un, faut dire, il est invisible. Oui, c'est ça. Alors, le personnage principal a la caractéristique d'être invisible pendant les matchs. Donc, il est pas très charismatique non plus, on va dire. Hein. Ouais, justement, c'est ça, c'est qu'il est tellement pas charismatique que personne fait attention à lui. Et Fait, c'est un... l'idée de départ, moi, j'avais bien aimé, j'ai lu, je sais plus, Ouais, trois mais... tomes, un truc comme ça. Ouais, mais on déchante vite, en fait. Et Voilà, ouais, c'est... bah après, si ça se concentre que sur ces deux personnages, c'est clair que ça fait pas spécialement envie, quoi. Parce que l'autre, il est pas non plus extraordinaire. Oui, bah c'est un peu le mec qui est une brute sans cervelle, voilà, qui fonce tout droit. Ouais, c'est pas forcément. C'est con parce que ça a commencé vraiment bien, quoi. Et Ouais, d'ailleurs, mais... il se vend super bien au Japon. Bah oui, en fait, c'est grâce à l'animé qui a commencé en 2012. Du coup, ça a fait que Kuroko's Basket est le deuxième manga le plus vendu au Japon en 2012, derrière One Piece. Voilà. Ah oui, d'accord, donc derrière l'indétrônable One Piece. Ouais, enfin il y a quand même Et un écart entre les deux, hein. devant Naruto quand même. Ouais, devant Naruto. Et sachant que, oui, voilà, comme t'as dit, il y a l'anime qui a été lancé cette année. Où ceux qui n'avaient pas acheté Ah, ça s'est les vendu. premiers tomes, ils ont tout acheté d'un coup, quoi. Du coup, si je dis pas de bêtises, ça fait 8 millions d'exemplaires en 2012 en tout. Donc c'est pas mal Ah oui, en effet. du Donc une déception pour commencer de ta part, hein. Tu vas continuer du coup, tu lâches Bah, je vais lui donner une seconde chance quand même, parce que parce j'ai que lu 4 tomes, il y a mais quand même 20 tomes au Japon, quoi, donc derrière il y a peut-être ouais. une évolution au niveau de Je vais l'histoire. essayer de continuer. Bah, on m'a dit que ça s'améliorerait un peu par la suite, donc je perds pas espoir quand même. Ça marche. On va passer, on va tout de suite contrebalancer, hein, avec un top, mais un top, je crois même unanime, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Facile. Pour un titre qui a été édité donc pour la première fois en 2012 aux éditions Kana et qui s'appelle Bonne nuit Poun Poun. Alors je propose allez, Poun, bah, Toon Toon, pardon, Poun Poun, j'ai tapé Poun Poun, tu vois. qu'est-ce qui t'a plu dans ce. Qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs toujours dans ce manga, parce que le manga est toujours en cours d'édition. Par où commencer en fait? Il y a tellement de trucs et qui sont vachement bien là-dedans Déjà, que t'as un trait particulier dans le sens déjà ouais, où. le dessin est vraiment extraordinaire. C'est vrai. C'est enfin, il y a ce mélange de dessins très réalistes dans les décors, dans les personnages, même si les personnages ont beaucoup ont une tête très expressive, on va dire. Mais il y a quand même un réalisme, surtout dans les décors, qui est assez impressionnant. Et il y a à côté de ça, il y a Poum Poum et sa famille, Qui sont c'est des piafs, je sais même plus ce que c'est, des c'est pas des non, Si, c'est c'est des plus que oiseaux, quoi. ouais, c'est des oiseaux Ouais. un peu bizarres, et il y a ce contraste totalement absurde dans le manga. C'est juste génial parce qu'en plus bah il y a tout au niveau de l'histoire, c'est une histoire très très dure, très grave, et enfin avec plein de comment dire. De roman En d'histoire. fait, c'est un manga tranche de vie, Ouais. mais avec des tranches de vie, putain, faut les avaler, quoi. C'est ça. Alors, C'est... juste pour présenter par rapport au personnage, c'est un peu. C'est des personnages qui sont. Bah, la famille de Poon Poon, en fait, et lui-même sont dessinés on dire, d'un trait. D'un simple trait, un peu D'un comme. seul trait, ouais, assez épais. Un peu comme. Si vous connaissez un vieux dessin animé qui s'appelle La Linéa, c'est un peu le même Oui, principe. Hein. oui. Oui. Et donc c'est pour ça, voilà, donc on va revenir hop là, à ce qui leur arrive, parce qu'il y a quand même. Déjà on commence le tome 1, commence de façon assez dure, puisque le père de Poon Poon est violent vis-à-vis de sa mère, donc forcément il est. Donc sa mère se retrouve à l'hôpital, il se retrouve un peu tout seul, même d'ailleurs lui dans sa vie de tous les jours d'ailleurs. C'est ce qui commence assez rudement. Et le dessin d'ailleurs, cette façon de désarmer un peu, de désarmer le côté dramatique, parce que si on avait gardé, on va dire, même très réaliste que sur les autres personnages, ça aurait été beaucoup plus dramatique, même si ça reste toujours dramatique évidemment. Mais ça contrebalance vraiment dans ce que veut montrer l'auteur, je trouve. Oui, J'essaie non, mais de. voilà, non, C'est mais le but. t'as, enfin, c'est exactement ça, quoi. Enfin, ça dédramatise en quelque sorte, mais malgré tout, enfin, je trouve ça assez dingue comment il arrive à rendre, enfin, Poon Poon et sa mère et son oncle, etc., qui sont quand même très, comment dire, c'est très minimaliste. La plupart du temps, parce qu'il y a des scènes où il fout des traits partout et Ah mais c'est et assez saisissant, t'as des mais fois tu les vois de façon réaliste, t'as l'impression de voir du duvet en fait. ouais Tu ouais vois du ouais bah duvet surtout ou. l'oncle et les Ouais. mains aussi, sa manière de représenter les mains, Ouais. c'est complètement dingue. Et en fait, malgré tout, les personnages sont super expressifs, C'est ce que j'allais et dire. Et c'est vraiment très étonnant à voir la façon dont il rend presque plus expressif que certains personnages humains. Et ouais, là-dessus, l'auteur il est vraiment très très fort. D'ailleurs, l'auteur, c'est Inyo Asano, et il a fait entre autres Solanine, et je pense son plus gros succès chez nous et même au Japon. Et c'est en deux tomes, c'est très très bien. Si on peut le recommander en passant, c'est une bonne chose. Bien sûr. Et non, c'est, enfin, l'auteur est vraiment très très fort. En plus, il y a un univers tout autour. Mais c'est Enfin, ça. il y a plein de questions sur tout, en fait, sur tout et n'importe Sur la quoi. société japonaise, tout Ouais, ça. sur la société, les croyances, les Ouais. d'ailleurs les croyances. Il y a des scènes Le dieu avec caca. Dieu. C'est ça. Et le dieu Qui caca sont aussi. assez fabuleuses. Et il y a vraiment des trucs, enfin, ça touche à tout, la sexualité. D'ailleurs, c'est dans le dernier tome, il y a une scène Oui, ça m'a qui laissé est. bouche bée. C'est clair. Et voilà, t'en ressors pas indemne d'une lecture de C'est Lonely vrai. Poom Poom. C'est clair. Et ce qui est sympa aussi, c'est que tu les vois grandir. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un instant T. Ouais. Tu les vois, en fait, ils ont les examens, ils ont les compétitions de sport, ils vont déménager. Voilà, il y a vraiment une histoire que l'on va suivre. C'est rare, je trouve, qu'on n'a pas souvent ce type d'évolution dans le temps. Où tu vas voir les personnages grandir, tu vas les voir mûrir, tu vas Bah les surtout en voir. si peu de temps, parce que là on a Ouais. 5 tomes et il s'est Ouais. déjà passé plusieurs années et Ouais. très beaucoup évolué. Bah, un peu comme Bakuman de ce côté-là, ça me fait un peu penser, avec beaucoup d'ellipses, de choses comme ça. Bah, quand même, en plus, ce qui fonctionne aussi, ce qui fait avancer dans le temps, c'est que souvent tu vas retrouver des mêmes événements qui vont avoir tous les ans, genre le repas au début de l'année, où ils ont tous les auteurs sont rassemblés ensemble. tu le retrouves systématiquement, donc ça te permet de mieux marquer le fait T'as des repères. qu'ils grandissent, quoi. Et aussi, ils font allusion à l'âge régulièrement. Mais voilà, c'est en tout cas Bonne Nuit Poun Poun. Alors en plus, la couverture, c'est pas forcément le genre de manga qui est. Alors, ils sont très visibles parce que c'est une couverture unie, tout Ouais, en mais ça se relief. vend pas. Et ça se vend pas, ouais, c'est ça le problème. Ouais. Alors que c'est une super histoire. Et le problème, c'est que comme un manga, souvent, bah, le premier aperçu, ça va être la couverture. Surtout si vous le voyez, n'hésitez pas à l'ouvrir, à regarder. Alors, il y aura forcément des choses qui vont vous paraître bizarres, mais vraiment, allez-y, parce que c'est un univers propre à l'auteur, propre aux personnages aussi, parce que tous les personnages sont un peu dans leur trip, dans leur monde à eux. Et c'est une histoire qu'on peut que recommander parce que même graphiquement, que ce soit les personnages ou les décors, hein, ou les effets qui sont donnés, les effets de lumière qui sont quand même très beaux aussi, on peut que vous recommander d'aller vers cette série. Et en plus, c'est une série qui est. Enfin, là, on est à 5 tomes en France. Donc, on sait que c'est une série qui aura une fin. Et ça, c'est pas mal aussi. Ouais, ça se finit bientôt au Japon, là, normalement. En début d'année, ça sera fini. Donc, une bonne série, une bonne pioche, en tout cas pour l'année 2012. Tout à fait. Je vous propose, alors je vais repasser la parole à Tuntun, qui va nous parler donc de Termae Romae, qui est un peu la surprise de cette année, parce qu'il y a quand même eu, dans ceux qui lisent du manga, les gens en ont parlé positivement, etc. Mais on a aussi beaucoup entendu dans les médias généralistes. Je crois même que l'auteur, c'est Mari Yamazaki, si je ne dis pas de Oui, bêtises, c'est ça. était présente au Salon du Livre cette année Ouais, à en Paris. fait, c'est justement le manga était à l'honneur parce que c'était un salon du livre pour thème l'Asie, le Japon même. Et Termae Romae, qui sortait pile à ce moment-là, était le Le fer de lance, ou fer de enfin lance, ouais. Le le. porte-étendard. Hein. Enfin, l'invité d'honneur en fait, C'est ça. et d'honneur du salon. Raconte-nous vite fait qu'est-ce qui se passe dans Termae Romae. Rapidement, c'est un architecte romain, Adrien d'ailleurs. C'est un architecte de Termes et un peu en déclin en fait. Il dessine plus beaucoup de bâtiments, il fait plus grand chose, il a plus la cote. Et puis un jour qu'il est au terme avec un ami, il glisse et en fait il tombe, enfin il se fracasse le crâne et il est inconscient. Et quand il se réveille, il est dans un terme mais japonais, un public. Et Et en donc fait, il change il de change lieu, complètement de, il change voilà, c'est d'époque aussi, quoi. japonais à notre époque, donc. C'est complètement. Voilà, il fait un saut dans le temps de 1000 ans. Il se retrouve au Japon et donc tout est nouveau pour lui. Il connaît absolument rien. Il connaît pas la langue, il connaît pas le plastique, il connaît rien de ce qu'il y a autour. Et en fait, il va avoir des idées. Il va prendre des idées pour lui faire ses termes. Donc il arrive en retombant, il retourne dans son époque. Là, il construit un terme enfin, que tout le monde adore et tout, parce qu'il a pris une idée qu'il y avait au Japon. Et donc, ça va être ça. À chaque fois, il va tomber, hop, il va avoir une idée parce que on lui a demandé de faire tel terme en fonction de, enfin, sous telle contrainte, etc. Et puis, il sait pas trop comment faire. Donc, à chaque fois, il va tomber et puis il va réapparaître au Japon. Il va trouver une idée qui va bien. Donc on a toujours le même schéma. Alors l'idée est excellente, le dessin, enfin sur le côté romain, ça marche super bien. T'as le On a côté vraiment réaliste cette impression de statue, Ouais. etc. Et qui est vraiment. D'ailleurs, on le voit super bien sur la couverture. Et y a l'idée est vraiment super originale. C'est bien fait et tout. Répétitif quoi, à chaque chapitre tu as un voyage dans le temps ou quasiment, puisque après ça se rallonge un petit peu, mais on a toujours le même schéma. Et bah là on en est à 4 tomes et c'est quand même assez répétitif. Alors la série elle s'arrête à 6 tomes, C'est vraiment pas une mauvaise idée parce que je pense qu'on en a très vite fait le tour. Mais l'idée de base est vraiment excellente et ça se lit très facilement. Je pense que pour 6 tomes, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Peut-être même un poil plus court, ça aurait été bien, mais là je pense que ça va être bien les 2 derniers tomes quand même. Il peut y avoir encore des petits. Parce que dans le tome 4, il y a quelques changements dans la narration. On peut espérer un truc. Un peu différent et éviter un peu cette répétitivité. Mais sinon, c'est vraiment un très bon manga original et frais. On n'a plus l'habitude de voir. Très bien, donc c'est aux éditions Saka. Donc la série est suffisamment courte pour être intéressante et pour vous donner envie de vous y intéresser, notamment pour le mélange des cultures qui l'implique. On va passer alors à un autre gros coup de cœur de Toon et de moi-même, c'est Billy Bat, donc de l'auteur de Monster, de Happy, donc Naoki Urasawa, et qui là nous invite dans une histoire, un tourbillon de folie, j'ai envie de dire. Et tu chantes, tu chantes, tu chantes. Misérable. C'est misérable, j'ai honte. Alors, ça, comment dire, ça parlera à plein de monde, ça parlera aux fans de comics, ça parlera aux fans de Disney, aux fans de l'Amérique des années 60. C'est un manga où on verra la lune, on verra Jésus, on verra. Voilà. Ça ne veut absolument rien dire ce que je dis, mais c'est la trame sur laquelle se base Billy Bat. Où en fait, c'est à l'origine, c'est un dessinateur qui se retrouve en fait donc c'est un dessinateur le dessinateur de Billy Bat d'ailleurs, hein, le premier, qui se retrouve en fait à partir au Japon. Et un auteur de comics. Voilà, un auteur de comics. Et en fait, qui est américano-japonais. De parents Auteur de japonais. comics et. Je laisse continuer. C'est gentil. Et en fait, il découvre, il retrouve en fait la chauve-souris qui représente donc Billy Bat sur un pilier au Japon. Donc il se demande qu'est-ce que ça fait là, puisque pour lui, c'est lui l'inventeur de Billy Bat, mais on va se rendre compte que finalement. Il ne s'est fait, il n'a fait que s'inspirer d'un symbole, mais il n'en connaît pas l'origine. Et on va découvrir en fait au fur et à mesure que que les enjeux vont bien au-delà de lui, vont bien au-delà de son époque, puisqu'on va voir en fait des portraits de personnages qui vont donc de l'époque de Jésus-Christ, je sais pas, du coup c'est en l'an 0, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce qu'on parle de Jésus-Christ, donc c'est l'an zéro. En passant par Peu les près. États-Unis, c'est ça, les États-Unis de son époque, mais avec d'autres personnages. États-Unis d'après-guerre. D'après-guerre, voilà, avec toujours ce côté. Comment dire? On va suivre en fait un couple noir et blanc, un homme noir et une femme blanche qui vont se marier, mais. Avec encore à l'époque, il y avait encore beaucoup de préjugés vis-à-vis de ça. Voilà, il y a vraiment plein de. On va aussi le suivre à l'époque des samouraïs, de personnages en fait qui vont être sous l'emprise en fait du personnage de Billy C'est Bat. pas les samouraïs, c'est les ninjas à Des ninjas, l'époque pardon. de. Attends, je dis des bêtises. Ouais, je sais plus. Il y a des ninjas, mais c'est à l'époque de Musashi. Donc Voilà. il y a des samouraïs aussi. On va dire que c'est les deux. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est l'époque juste avant que. Enfin, l'époque d'Edo. Enfin, au 18e siècle. Voilà, quand le pays Pas de était bêtises. encore une autarcie. Était encore en autarcie. Une autarcie, ça n'existe pas. Voilà, non, mais je nage en ce moment, Tu c'est perds là. horrible. Je sais bien. C'est toujours comme ça, super. Donc il y a 10 tomes en ce moment, pour l'instant, au Japon. Alors l'histoire, là en France, on a eu les 5 premiers tomes qui sont d'ores et déjà disponibles. L'histoire, alors il y a quand même pas mal de pistes disponibles. L'auteur laisse pas mal de pistes, comme le fait systématiquement Urasawa. Hein. C'est typique Mais de là, c'est l'auteur. encore, enfin, encore plus, c'est, comment dire, déjà, c'est un pot pourri de tout ce que, de tout ce que Urasawa a fait depuis Monster et même depuis Happy. C'est-à-dire bah, toute son époque thriller, etc. Et ça regroupe plein de codes, de thèmes très chers à l'auteur. Et en fait, ça pousse encore plus loin. Donc, c'est un truc très très ambitieux et ça a dérouté beaucoup de fans d'ailleurs, puisque ça reprend beaucoup de codes de ses œuvres, même trop, que ça soit graphiquement ou sur certains points, notamment le héros, certains éléments du héros, etc. C'est tout ce qu'on a déjà vu avant et du coup ça fait un peu redite. Ça c'est dans le premier tome et en fait dès le deuxième tome ça s'ouvre, d'ailleurs le deuxième tome est un peu à part, c'est là où on a toutes les ellipses temporelles, enfin les flashbacks, les sauts dans le temps, etc. Il y en a énormément, ouais. Pas toujours très bien fait d'ailleurs, mais ça va, des fois ça va beaucoup trop vite en fait. Et on comprend pas où l'auteur veut nous emmener. Et après, avec les tomes 3, 4 et 5, on se ressente plus autour de Kevin Yamagata, même s'il y a toujours énormément de sauts dans le temps et on sait pas trop où on se trouve dans la timeline. Mais en même temps, on sent que c'est très très maîtrisé. Et il y a tellement de pistes qui vont dans tous les sens et on sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. On a, d'un côté, on a un peu peur du syndrome Monster et 20th Century Boys où les fins elles étaient décevantes, surtout 20th où c'est, il y avait eu beaucoup beaucoup de pistes de lancer et puis au final ça a conclué bizarrement la série. Bah, là, ce qui marque aussi, c'est le fait que tu vas retrouver des personnages qui ont réellement existé. Oui. D'ailleurs, il les reproduit super bien. Exactement. C'est bon. Il y a le personnage donc Oswald. Je spoil un petit peu, hein, que l'on va voir et qui va reprendre vraiment les traits de Lee Harvey Oswald. Donc un personnage important dans l'histoire de des États-Unis. On va retrouver aussi. Je ne vais pas en parler plus parce qu'il faut vraiment le découvrir par vous-même. Chose intéressante aussi, c'est les styles différents graphiques qu'il utilise. Il utilise un style graphique spécifique côté comics. Là, il y a une vraie mise en abîme dans ce qu'on va voir, ce que fait réellement Kevin Yamagata en termes de travail, en termes d'histoire. Et donc le trait après, quand on reprend le trait classique, on va dire, du Urasawa. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien dans la dissociation des deux. Et surtout, il va se servir de code graphique dans la partie comics pour faire avancer l'intrigue du manga. Je pense notamment au lapin qui va, vous allez voir, en fait, à un moment, il va y avoir un lapin qui va être dessiné, mais dessiné de façon floue, de façon juste en simple esquisse, alors que tout le reste de la bande dessinée et dessiné en très clair, mais c'est vraiment très bien réussi comme effet et ça donne en tout cas là on est arrivé au tome 5, ça donne vraiment envie d'avoir la suite et justement pour ce manga, la suite arrive, l'édition c'est tous les 2 mois et c'est trop lent quoi, on a envie d'en savoir plus rapidement quoi. Mais juste côté graphique, c'est vrai que y a cette dissociation entre les deux parties graphiques, la partie comics et la partie histoire réelle quoi. Et justement cette partie histoire réelle, moi c'est pas que ça me déçoit parce qu'il a toujours un trait génial, mais c'est quand même, il reprend énormément de codes graphiques de ses précédentes séries et là où Pluto était très ambitieux de ce côté là son précédent manga qui était il y avait le côté futuriste et tout où il avait fait un énorme travail sur l'architecture, sur des trucs comme ça, on repasse à un truc beaucoup plus classique et limite trop classique dans les visages, les personnages et tout, enfin c'est quand même beaucoup de vues et revues quoi, alors ça marche toujours très bien. Et c'est juste un poil décevant. Je trouve ça manque un poil d'ambition. Mais à côté de ça, Au niveau du découpage, il est génial, il est très très fort. Enfin, son côté, il y a un côté cinéma dans sa façon de découper et de raconter Ouais, ses tout à planches, fait. Ça fait vraiment storyboard. qui est très très impressionnante et qui nous plonge vraiment dans son histoire. Et après, voilà, il y a quand même une maîtrise exceptionnelle d'Urasawa là-dessus, quoi. Exactement. Donc c'est donc c'est édité chez Pika. Pika Édition, donc c'est la première fois que d'ailleurs Pika édite le Urasawa. D'habitude cet été, donc on avait eu Panini Comics Kana. et Kana Kana, ouais. principalement. Donc c'est un nouvel éditeur Il y a pour. eu Glénat aussi pour Pineapple Army. Oui, Ah, c'est exact. vrai. Alors c'était au tout début quand le manga n'avait pas encore l'aura qu'il a aujourd'hui. Hein. On va passer à la suite. Alors je propose qu'on laisse un peu la parole à Kurita. Quand même, Oui. qui va nous parler de Medaka Box. Donc je Tout change un à peu fait. l'ordre des choses, mais ça nous permet de t'entendre sur ce manga, donc, dont le premier Oui. tome est toujours sorti en 2012. C'est ça. Donc à l'heure actuelle, il y a 4 tomes qui sont sortis en France. Il y en a 18 au Japon. Alors Medaka Box, je vais faire le pitch vite fait. Donc l'héroïne s'appelle Medaka. C'est une jeune fille de 15 ans, il me semble, qui a le plus gros cœur du monde, on va dire. Elle veut aider tout le monde, mais peu importe les motivations des gens, elle veut les aider. Donc pour cela, elle va mettre en place une boîte à suggestions, on va dire, dans son lycée, où tout le monde peut déposer une suggestion pour, enfin, suggestion, une demande d'aide, et Medaka va y répondre sans hésiter. Donc au début, ça commence comme ça, le manga, mais très vite, ça va virer au manga de baston, en fait, vers la fin du tome 3. Et un manga de baston très délirant, on va dire, parce que tous les personnages ont des techniques pour se battre peu orthodoxes, on va dire. Par exemple, un des méchants va se servir de balles rebondissantes, un autre va se servir de clous géants, y en a un autre qui peut cacher des armes dans ses vêtements et tout. Alors, ça part très vite, très très loin, surtout que les combats sont vraiment. Par exemple, on a des personnages qui vont marcher sur les murs des immeubles, tout ça. Voilà, faut surtout pas se fier au premier tome, comme je l'ai dit, parce que ça vire très vite dans un autre genre. Tout ce que j'ai à dire. Très bien, je crois que tu es le seul à l'avoir lu. Tonton, tu ne l'as pas lu, je crois. Non, j'ai commencé, j'ai lu quelques chapitres, mais au moment où c'était au tout début, donc c'était encore Ouais. le côté un peu ce qu'on va retrouver dans Skate Dance, Ouais, dont on il manque parlera vraiment plus un peu tard, de. mais ouais, R en service. Et moi, j'avais trouvé ça assez, justement, assez banal et Ouais, bah c'est vrai. pas terrible, quoi. Mais après Après, ça il y a un. s'améliore. Ouais, et le dessin était quand même pas mal de base. Ouais, alors faut savoir que le dessinateur est un auteur de hentai à la base. Ça se voit. Ça se voit, oui. Alors on va passer à un autre titre. Alors cette fois, je vais repasser la parole à Tonton. Il va nous parler de Prophétie. Donc, chez Kihun. Ouais, Donc d'un auteur qui est quand même bien suivi par Kihun d'ailleurs. Et par qui nous moi. propose donc son dernier manga. Je te laisse Ouais, parler. donc Prophétie, c'est le dernier manga de Tetsuya Tsutsui, qui est l'auteur de Manhole, Dungeons et de très bons thrillers en one shot et Manhole en trois tomes. Et donc là, il passe à quelque chose d'un peu plus poussé, on va dire. Il a prévu de faire Prophétie, il a prévu que ça dure quand même plus longtemps. Il a énormément travaillé en collaboration avec Kihun. Et du coup, on a un bouquin avec une très bonne édition. Déjà que Kihun savent très bien faire les choses d'habitude. Là, c'est vraiment très très bien fait. Et donc, Prophétie, ça reste un thriller façon Tetsuya Tsutsui, avec un très très réaliste et assez pas angulaire, mais assez. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est très très beau, très détaillé. Et l'histoire, en fait, c'est un type qui poste des vidéos sur Internet en disant que, par exemple, telle entreprise a viré tant de gens, c'est pas normal, je vais foutre le feu à la boîte tel jour à telle heure. Là, sur Internet, et il exécute sa menace. Et ça sur plusieurs jours avec plusieurs personnes et plusieurs forcément on suit l'enquête de la police qui poursuivent cette personne et qui essaye de le démasquer parce que il apparaît avec un papier journal sur la tête en fait un sac en papier journal sur la tête qui est toujours daté d'ailleurs au jour où il va faire son comment dire ça ça pas sa vengeance mais sa justice et donc on va suivre l'enquête toute l'enquête autour de cette affaire et bah c'est super encore une fois c'est du Tetsuya Tsutsui donc c'est très très bien narré il y a une vraie bonne histoire derrière on sent que il va se passer plein de choses, il va y avoir beaucoup de rebondissements. C'est un très très bon thriller, c'est super bien écrit, en plus c'est vraiment bien dessiné comme d'habitude. Ça se rapproche pas mal dans l'esprit de Dudzent et Manol plus que de Risette. Et bah, ça a l'air vraiment excellent quoi. Le tome 1 et le tome 2 vient juste de sortir. Il est sorti le jour de l'enregistrement de ce podcast. Il n'est pas encore lu, mais j'espère qu'il va être tout aussi bien, voire mieux que le premier. Ah, il semblerait que le manga se termine sur le troisième tome, hein, de ce que j'ai pu lire ça et là. Il me semblait qu'il voulait le pousser plus loin, Alors justement. après, est-ce que c'est juste le fait que le troisième tome soit déjà sorti au Japon, mais alors voilà, j'avoue, je sais pas du tout. Après, on est sur un auteur pour lequel on est habitué à avoir des histoires assez courtes, soit des one shot, Ouais. soit je crois que c'est Manol qui avait Manol, ouais, qui est en trois trois volumes, tomes. voilà. À Et voir. d'ailleurs, qui est en Canal a ressorti. Non, Kiun, pardon, a fait un coffret regroupant les trois. Tout à fait, les trois tomes ensemble. Ouais. L'intégrale de la série ensemble. Exactement. Mais oui, donc bah si c'est en trois tomes, bah. Ça veut dire qu'il veut pas faire plus long que d'habitude, mais il me semblait avoir entendu ça, mais même si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que c'est très très bien. Il y a juste un seul petit regret que j'ai le premier chapitre de Prophétie où on voit la flic pendant l'enquête et arrête un pirate, enfin qui un jeune homme qui met des jeux vidéo à disposition gratuitement sur Internet. Illégal. Et le premier chapitre est très très très moralisateur. Et la façon dont c'est fait, c'est horrible. Et c'est lourd. C'est un gros sermon. Clairement. Est-ce que c'est écrit par Clairement. Julien Clairement. C. Mais, ça pourrait être ça, mais à l'inverse, en fait. Dans l'autre sens et c'est super lourd et c'est vraiment dommage parce que l'idée d'introduire les flics donc qui sont une unité spéciale qui s'occupe des délits sur Internet etc. C'était une bonne idée en quelque sorte de l'introduire de cette façon mais la façon dont c'est fait toute la façon dont c'est écrit c'est lourd et ça apporte pas grand-chose finalement. Enfin, c'est très moralisateur pour pas grand-chose. Et du coup, ouais, c'est dommage. Mais le reste du manga est vraiment excellent. Et donc, faut quand même l'acheter, mais faut passer outre ce premier chapitre. Outre le premier chapitre, très bien. Alors je vais vous parler, donc, puisque je vais être le seul à l'avoir lu, d'un manga de chez Kurokawa. Et oui, j'ai osé. Pas de soucis. Manga de pervers. Voilà, oui, voilà, tout de suite. Donc, qui s'appelle Déjà, quand tu vois la Nezu-no-kyana. couverture. Alors quand tu vois la couverture, quand tu vois le pitch de présentation, qui est magnifique aussi, Puisque, alors, pour présenter la chose, donc c'est un seinen, hein. Déjà, c'est pas prévu pour tout le monde, d'accord, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, à l'origine, en fait, ce sont deux étudiants qui se Faut donner retrouvent. le nom, peut-être. Ah oui, non, alors c'était Nozo Kena, Voilà. dont le tome, alors le tome 3 est disponible au lendemain de cet enregistrement, donc le 10 janvier. Alors, pour présenter le pitch de Nozo Kena, faut savoir, donc, ces deux étudiants, en fait, qui se retrouvent à vivre l'un à côté de l'autre dans des logements séparés. Sauf qu'entre ces deux logements, il y a une fente, il y a une couille, je devrais dire, il y a une couille, mais c'est plus que ça. Bien parti, hein. Voilà, c'est très bien parti en plus. Non, non, il y a le mur est cassé, en fait, à un endroit, et ça permet à l'un et à l'autre de pouvoir s'épier. Sauf que la fille qui s'appelle donc Emiru est assez coquine, donc elle impose, en fait, suite à un incident, elle impose que l'un et l'autre puissent s'épier à tour de rôle, l'un le lundi, l'autre le mardi, l'autre le mercredi, etc. Sauf qu'évidemment, lui, surtout parce qu'elle, on le voit pas, en tout cas pour l'instant sur les deux premiers tomes, a une vie active au niveau sexuel. Donc il essaye, en fait, il évite d'être présent, en tout cas dans le logement, quand il est avec sa petite amie. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Alors c'est un pitch pour tout que tout bon gros fan de fan service applaudirait forcément. Sauf que derrière, voilà, alors on va rire, je suis sûr qu'on va rire, c'est obligé. Donc derrière, un peu, ça va plus loin que ça. C'est un peu plus Ouais. profond que ça, évidemment. Profond dans quel sens? C'est un mauvais jeu de mots, c'est un mauvais jeu de mots. Non, non, c'est-à-dire qu'on est sur un manga qui se veut sérieux. Forcément, on est sur un manga coquin, donc c'est difficile d'être sérieux. Mais qui va plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de choses, où ça s'arrête vraiment à l'acte physique. Et on se rend compte, alors là on est sur vraiment sur les deux premiers tomes, il y a quand même des sujets graves qui sont évoqués. Après, des sujets beaucoup plus légers, des sujets graves comme le viol. Après, des sujets qui sont un peu plus légers, mais qui derrière marquent un peu plus l'identité du manga, qui essaye de faire des choses différemment de ce qui existe. Alors, c'est évidemment à pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a quand même des scènes explicites au possible, mais c'est, je trouve, une bonne pioche, là encore, de la part de Kurokawa, qui nous habitue d'ailleurs à faire des sorties décalées dans le bon sens du terme, au niveau des sujets évoqués. Et voilà, c'est pas du hentai, c'est beaucoup plus soft que du hentai, évidemment. C'est même, on va dire, des relations normalisées entre gens. Il n'y a pas de tentacules, de choses Dommage. de ce genre, dommage. Mais si je trouve, c'est un manga à découvrir quand même. Voilà, si vous n'avez pas envie de lire ce type d'histoire, vous pouvez passer outre, il y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, faut pas non plus tomber comment dire, dans le cliché. Même s'il a tout pour, évidemment, il a tout pour lui. Mais ça fait partie des choses à découvrir, des mangas à lire, parce qu'il va plus loin que ce qu'on pourrait penser. Et on sent quand même que les personnages ont. L'auteur veut quand même prendre le temps de développer les personnages et comment dire, leurs caractéristiques, leur façon d'être. Et ça c'est ce qui va être le plus important dans le développement du manga dans les prochains tomes à venir, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant à. Alors, on va parler. Alors, c'est Tuntun et Kurita qui vont parler ensemble de I Am a Hero, donc édité chez Kana, et dont le premier tome est sorti cette année. Je vous laisse. Alors, Kurita, qu'est-ce que tu. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le pitch de départ, hein, de cette histoire, hein? Alors oui, je peux. Alors, I Am Hero, ça va se concentrer sur un personnage qui s'appelle bah, Hero, justement, mais à la japonaise, donc Hiro, ça fait exprès, je pense. Qui va se retrouver... Non, je dis une bêtise, il s'appelle Hideo, excusez-moi. J'avais même pas tilté. Mais en fait, c'est expliqué que Hideo, ça ressemble un peu à Hero, voilà. Bref. Donc c'est un trentenaire un peu loser, on va dire, dont sa petite amie bah, le trompe souvent avec son ex. Et au final, cet homme va se retrouver confronté à une épidémie qui va transformer toute la population japonaise en zombie, tout simplement. Et donc, bien que ce soit un loser, notre cher Hideo va prendre son courage à deux mains et tenter de survivre dans ce monde qui devient complètement fou. Et d'ailleurs, ça semble être le seul qui remarque que quelque chose cloche en fait. Voilà, Tuntun, tu veux dire quelque chose? Alors parle-nous, alors Antoine, parle-nous du parle-nous déjà de la spécificité du premier tome. Parce que il y Oui, c'est avait vrai. quelque chose d'assez marrant dans le dans ce premier tome, dans la façon dont dans la façon dont il est structuré en fait. Dans la façon dont il est structuré. C'est-à-dire que Parce que, non, tu me dis ça, en fait, je me souviens du premier tome un petit peu, mais là, sur le coup, je vois Non, pas. ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un manga, donc un manga qui parle de zombies. Ah oui. Sauf que sur le premier tome, Bah, il n'y a pas de il n'y a zombies. pas de Il n'y a pas zombies. de zombies. C'est Si, très lent. à la fin, Oui, sur à la fin. la dernière page. Ouais, voilà. Mais oui, en fait, ça met sur tout le premier tome met en place le personnage, donc qui est, comme tu dis, c'est un loser. En fait, Ouais. il a 30 ans, il est assistant mangaka. Voilà. Et ça fait des années qu'il essaye de percer et qu'il n'y arrive pas. Est un peu Et donc, schizophrène aussi. un peu schizo et avec des hallucinations. Enfin, il a Voilà. peur du noir. Voilà, et en fait, on découvre toute sa personnalité dans le premier tome, où il se pose énormément de questions sur sa vie, etc. Et sur le fait de justement. C'est un loser, il aimerait bien être un héros, un héros de manga, Voilà. machin. Donc il y a tout un côté méta un peu, et qui est développé, qui commence à être développé dès le premier tome. Et en fait, donc le premier zombie, on le voit à la toute fin du premier tome. D'ailleurs, on ne sait pas, enfin, nous on le sait, mais le héros ne sait pas que c'est un zombie. Oui, voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un point que j'aime énormément dans le manga, enfin, on pourrait croire qu'avec tous les zombies, machin, enfin les films de zombies, toute l'avalanche zombie qu'il y a eu depuis quelques années, on pourrait croire que dans la réalité, le jour où on se retrouvera face à des morts-vivants, on s'en rendra compte et on saura quoi faire. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans I Am a Hero, et je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se passerait. Ça se passerait justement comme dans I Am a Hero. Voilà. Et que là on en est au tome 5, 6. 6. Ouais. Jusqu'au tome 6, il y a pas jamais on évoque des zombies. Ouais, c'est ça. On parle toujours de personnes malades, on ne sait pas ce qu'ils Voilà. ont, y a toujours, on est toujours un peu dans ce flou, on ne sait pas ce que c'est un virus, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils sont réellement morts, est-ce qu'on ne sait pas s'ils sont morts, donc à chaque fois ils ont ce dilemme de, quand ils doivent tuer quelqu'un pour survivre, ils ont ce dilemme de se dire, bah, on a tué quelqu'un, et plus que dans n'importe quelle œuvre zombie Ah oui, là, qu'on a pu clairement, voir dans ces dernières années. Et ça, je trouve, c'est vraiment très très fort dans le manga. Et en plus de ça, il y a tout le côté survie. Enfin, c'est pas vraiment survie, mais fuite bah, en avant. c'est très lent, je trouve, Ouais. mais c'est réaliste, on va dire, dans un sens. Ouais. C'est pas bah, High School of the Dead, justement, où ils pètent 30 zombies par chapitre, ou je sais pas quoi. Là, c'est les rencontres avec les zombies sont très détaillés, je trouve. Ouais. Ils prennent le temps de bah, d'analyser la situation, tout ça. Et au final, bah, ça rend plutôt bien, je trouve. Ouais, ça rend très très bien. Et il y a toujours, il arrive toujours à nous faire des trucs, des rencontres avec des personnages, enfin, il y a toujours un truc qui se passe, même si, ouais, comme tu le dis, c'est très lent, mais justement, c'est vraiment bien parce que, C'est très oppressant quand même, je ouais, trouve. c'est ça. En Et les plus, zombies, le oh dessin là, est juste hallucinant, quoi. les C'est zombies sont bien flippants. Ouais, et c'est graphiquement, c'est d'ailleurs, on le voit dès le premier tome, dès le premier chapitre, Le tout début du premier chapitre, c'est tout bon. On voit juste une porte, qui, enfin un verrou, une porte, Ouais. l'entrée de l'appartement de Hideo. Le découpage est excellent et le dessin, on a l'impression de presque de voir des photos quoi. Ouais, c'est très Par très beau. moment, c'est magnifique et ça sert vraiment bien le propos en fait. Et y a plein de, en plus, il y a plein d'idées dans la narration. Le fait d'un moment de suivre des conversations sur des forums. Ouais, ça c'est très bien. Il y a vraiment plein de bonnes idées de la manière de suivre. Et puis moi je pense à je vais pas trop spoiler parce que enfin je vais pas spoiler mais à un moment il y a une double page dans le tome 5, enfin il y a une suite de trois double pages dans le tome 5 et entre ces trois double pages il doit y avoir 10 secondes qui se passent et en fait on voit toute une foule et on voit comment en quelques secondes tout le monde, enfin le virus zombie, on va dire, peut se propager avec des gens qui se font mordre, etc. Et comment la panique peut prendre place au milieu de cette foule. Et c'est super impressionnant la façon dont l'auteur rend ça. Et voilà, c'est bourré de plein de bonnes idées et c'est excellent. Très bien. Parfait, donc on va passer à la suite maintenant. Un dernier tome qui est sorti, donc une dernière série, pardon, dont le premier tome est sorti cette année, ça s'appelle Level E. C'est sorti Level chez I. Level I, pardon, excusez-moi, Level je l'ai fait à la I. française. Oh, Sorti chez Kazemanga. Alors l'auteur est bien connu chez nous parce que c'est Yoshihiro Togashi, donc que l'on connaît pour les séries telles que Hunter Hunter. Hunter x Hunter pour ceux qui veulent l'appeler comme ça. Yu Yu Hakusho également. Et donc il faut savoir que la série Level I est sortie en fait entre Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. c'était mensuel, si je Voilà. dis pas de bêtises. Exactement. T'as Alors, été tout seul dessus en fait. pour pitcher un peu l'histoire, hein, en fait, ça nous montre en fait les extraterrestres qui sont sur Terre. Hein. Qui vivent sur Terre, en fait, c'est un peu, comment dire, on pourrait le comparer un peu à Men in Black. Il y a un peu une approche, Ouais, c'est ça même. comment est-ce que les extraterrestres font pour comment dire, Vivre parmi nous. vivre parmi nous sans que nous le sachions et sans que nous le voyions. Alors, donc c'est une série qui est en trois tomes, qui va pas aller plus loin parce que finalement, la mayonnaise n'a pas pris au niveau du Japon, donc ça s'est arrêté assez rapidement. Et donc, comme chaque série a son début, en fait, on va nous présenter différentes situations avec différents personnages, différents héros. Et donc, il y a par exemple, il y a un extraterrestre qui va se retrouver, qui va s'inviter chez quelqu'un, chez un terrien. Donc, qui n'a absolument, évidemment, lui n'a absolument rien demandé. Donc voilà, on va retrouver en plus ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve vraiment le trait tellement caractéristique. Si caractéristique de Togashi, c'est-à-dire qu'il y a des détails, comment dire, les personnages sont souvent très détaillés, sont souvent des visages très caractéristiques, hein, avec des yeux souvent très profonds, très noirs. Après, c'est pas un auteur qui apprécie forcément de faire des décors, et quand il les fait, voilà, on va dire qu'il s'économise à ce niveau-là, qu'il le fait avec Ouais. parcimonie. Par contre, il s'investit bien dans les dialogues, tout ça. Il n'y Ouais, a rien à alors, dire, quoi. c'est un auteur qui est très bavard et qui fait beaucoup parler ses personnages. Ouais, mais bon, Mais ça vaut le coup, quoi. ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il a souvent des raisonnements extrêmement longs, mais finalement assez pertinents dans ce qu'il veut dire. Et c'est vraiment très intéressant. Surtout, alors moi j'adore la dernière histoire. Du tome 1, pardon, je parle du tome 1, où on va dire, on se fait avoir un peu à la manière des personnages, puisque, si je dis pas de bêtises, en fait, ils se retrouvent menacés par un extraterrestre, sauf que finalement, cette menace se retourne contre eux. Puisqu'ils essayent de contre une grosse somme d'argent de se cacher de un personnage doit les cacher sauf que voilà ce personnage en question est finalement celui qui a lancé les menaces donc c'est assez marrant dans la façon dont c'est démontré dont c'est établi et c'est voilà ça fait partie des mangas bon, qui auraient plus gagné, à être un peu plus travaillé graphiquement, notamment au niveau des décors, Ouais. mais bon, l'histoire, les histoires sont sympas. Comment dire, c'est un manga qui est en 3 tomes, donc c'est assez court. Le deuxième tome, je sais pas si tu l'as lu, Non, Kurita. pas encore, non. Et alors, se rapproche pour. Alors déjà, c'est très Sentai, ça fait très Power Rangers, XOR, parce qu'on se retrouve en fait avec des êtres humains qui se retrouvent avec des pouvoirs, donc avec des montres spéciales en fait, hein, façon vraiment Power Rangers. Et puis évidemment, pour aller aussi loin dans le trait, ils doivent pour lancer des pouvoirs, ils doivent annoncer les attaques à voix haute. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que les costumes, pour pouvoir garder, en fait, les costumes, ils vont les garder le temps, un certain temps, et ce temps est proportionnel à la façon, à l'intensité avec laquelle ils vont dire la sorte d'incantation pour avoir ce costume. Donc, c'est assez drôle. Évidemment, il y en a qui vont être dans le trip, donc qui vont aller à fond dès le début, d'autres qui vont être beaucoup plus réticents. Et tout va se nouer autour de ces personnages-là et autour de l'extraterrestre qui va leur donner ces pouvoirs-là. Et ça se rapproche, alors pour ceux qui ont lu Hunter x Hunter, il y a un côté, il y a une grosse partie RPG à la façon de Grid Island, donc que tu n'as pas encore lu, Kurita, mais qui Non. arrive après York Sin City. Et donc c'est ce côté-là aussi. On sent que l'auteur est très à la pointe de ce qui se fait sur les RPG. Hein, ça, c'est clair et net. Et voilà, donc le tome 2 est pareil, dans la même veine que le tome 1. Il y a toujours une variante humoristique qui est très très sympa et très intéressante à entendre. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose de plus, Kurita. Pas spécialement, non. Alors, on va passer. Alors, on a fait là toutes les parties, tous les mangas dont le premier tome est sorti cette année. Donc on va passer rapidement au one shot, puisqu'il n'y en a qu'un. On va en parler même rapidement, puisque ça s'appelle Halo 2 Paris. Donc aux éditions Piquet, on n'est pas habitué à aller voir sur la à voir ces éditions-là sur la partie manga. Donc en fait, c'est un one shot de J.P. Nishi. J'espère que je prononce bien son nom. En fait, c'est un japonais qui a une trentaine d'années, en fait, qui nous raconte son expérience française lors d'un de son année passée en France, dans le cadre d'un PVT, donc c'est un permis vacances-travail, dans lequel en fait il nous expose toutes les bizarreries de la culture française, la mode des bises, le fait que voilà, on est vraiment le seul pays à se faire deux fois la bise, etc. Et il explique de façon à la limite mathématique, en fait. Il explique que voilà, vaut mieux arriver en premier parce qu'au moins t'es sûr de pas perdre ton temps à faire que ça pour dire bonjour. Et c'est assez. Bah, moi, alors, personnellement, je l'ai pas lu. Mais c'est ce genre de manga qui est très intéressant et qui est très. Qui nous permet à nous d'avoir un certain recul par rapport à ce qu'on fait, aux choses qu'on fait tous les jours, en fait. Donc, je sais pas si. Alors, toi, Kurita, tu l'as pas lu non plus, mais c'est Non, mais un. c'est un futur achat, je pense. Ouais, parce qu'il a l'air assez sympa. Je crois même qu'il travaille sur une suite, Je crois bien, ouais. une suite à ce one shot. Donc, affaire à suivre. Alors, on va passer maintenant. Hop, donc la catégorie one shot est vraiment très courte. On va passer maintenant à la suite sur les séries donc qui sont en cours, dont les tomes. Je sais plus ce que je voulais dire. Qui continue au cours de l'année 2012. Voilà. Exactement. Et bah, comme tu as la parole, Tuntun, tu vas nous parler tout de suite de XXXOLIC. Alors, je sais pas du tout si on prononce comme ça, mais je pense que oui. Donc, qui s'est terminé, Croix-croix-croix-olic. Croix-croix-croix-olic, voilà. Édité chez Pika, et dont la série justement s'est terminée, la série En dessinée début par d'année, Clamp, ouais. voilà, en début d'année, avec le tome 19. Exactement. Et c'est la fin d'une très belle histoire. D'un manga vraiment atypique au niveau graphique. C'est du Clamp, mais comparé à ce que fait d'habitude de Clamp, comme par exemple sur Cardcaptor Sakura ou Tsubasa Reservoir Chronicles ou X ou des mangas comme ça, RGVda pareil. Elles ont vraiment le style, il y a un style Clamp. Mais là, c'est le steel clamp, mais en très très épuré, avec beaucoup de travail sur les effets de fumée, etc. Et vraiment de belles trouvailles graphiques. Ça vaut vraiment le coup, voilà, pour le côté graphique, mais il y a aussi tout le côté magie, etc. Je m'embourbe un peu. Pas facile. Est-ce que j'ai des. J'ai des j'ai, c'est, le tome 19 est sorti en début d'année et j'ai de vagues souvenirs du. Parce qu'en plus, il a mis du temps à sortir. Et les débuts de la série sont assez loin. Donc, je vais pas vous faire de résumé, mais au niveau de l'histoire et notamment de la fin, il y a vraiment un truc un peu méta, un peu. Réflexion sur la vie, etc. qui est très très bien amené, qui est très intéressant, qui est très touchante aussi la façon dont c'est fait, et qui profite parfaitement du rendu graphique que donne Clamp à son manga. Et en plus, il y a le côté crossover avec les Tsubasa Reservoir Chronicles principalement, mais aussi Cardcaptor Sakura et d'autres titres Ouais. De toute façon, Clamp est connu de l'univers. pour réutiliser ses personnages dans Ouais, mais différents alors là, c'est mangas. vraiment très très Ouais. poussé entre Leak et Tsubasa. Et c'est vraiment très poussé dès le début, en fait, dès le premier tome. Ah oui, d'ailleurs, oui, parce Il que y le. a, y a une scène commune, en fait. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit les deux côtés de la scène, et c'est assez marrant, et les crossovers qu'ils font comme ça entre les deux mangas, c'est très très bien utilisé, et c'est toujours fan service parce que voilà, ça fait toujours plaisir aux fans, etc. Mais c'est bien fait, donc faut en profiter, et en plus il y a Mokona dedans, et donc ça c'est cool. Totalement objectif cet argument de Toom. Exactement. On va passer à la suite. Alors à la suite, un manga qui parle à Toom et à moi, c'est Yotsuba. Yotsubato même dirais-je. Donc c'est édité chez Kurokawa. Bon, par contre, les tomes sont édités annuellement, hein, un tome tous les ans à la limite. Hein. Mais c'est voilà, c'est Au toujours. rythme du japonais. Oui, voilà, parce qu'on est comme le rythme avait été rattrapé. D'ailleurs, oui, ce qui est à noter surtout pour cette année 2012, c'est la réimpression, la réédition Oui, tout des à premiers fait. tomes qui étaient en rupture de stock jusqu'au 9. Ils étaient en rupture de stock et quasiment introuvables, ou alors à très cher. Très cher, oui, alors c'est. Ouais. Et du coup, là. Été réimprimé par Kurokawa, et c'est une très très bonne chose. Ouais, donc l'histoire continue sur. Alors j'avouerai, moi je suis un peu dans le même cas que toi sur le manga précédent, Toon Toon, c'est que. Étant sorti au début d'année, je ne me rappelle plus de l'intrigue, hein, mais bon, comme De c'est. Yotsuba? Ouais, du tome 11, Bah plus précisément, mais bon, on reste toujours dans. l'intrigue, elle est simple, c'est Yotsuba qui Oui. découvre. Ouais, mais justement, Qui les découvre. tribulations. Après, oui, bah le truc, c'est que c'est en gros, c'est une histoire, un chapitre, plus ou moins, donc il n'y a pas vraiment de fil rouge. Il y a une chronologie, mais il n'y a pas vraiment de fil rouge. C'est la tranche de vie, Euh, quoi. C'est ouais, ça. c'est ça, c'est exactement ça, Moi, c'est de je te la compare tranche un de peu vie. toujours, en fait, à ce qu'on a chez nous avec le petit Nicolas. Même si c'est pas le même style, c'est pas le même âge non plus, mais il y a un peu ce côté où on voit la vie à travers le regard de cette petite fille, hein, qui découvre un peu. Moi, ça me fait Ouais, penser à Shin-chan. Ah, le aussi, ouais. petit. Ouais, aussi, Ouais. ouais. Mais en moins, déjà en moins pipi caca. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pour les enfants, hein, Shin-chan, de Ouais, toute façon. ouais. Mais voilà, Yotsuba, d'ailleurs, c'est classé en seinen. Oui. Et c'est. Je pense pas que ça soit. Enfin, c'est pas. Je pense que c'est pas intéressant pour les enfants. Ah non, Comme pas du ça, tout. Alors, c'est absolument pas, intéressant ouais. pour les adultes parce que on retrouve cette vision qu'ont les enfants très naïfs du monde qui les entoure, et de tout est une découverte, etc. Surtout que Yotsuba est quand même une fille très. Elle est toute petite, elle a 5 ans. Et c'est une fille plein de, enfin, plein d'émerveillement pour à peu près tout. Plein de vie, toujours souriante. Ouais. Et en fait, c'est un bonheur à suivre ces aventures qui sont toutes simples et y a rien de, y a rien d'exceptionnel dans ce qui se passe. Enfin, voilà, c'est pas palpitant ou quoi que ce soit. Mais en fait, chaque page, y a des idées géniales. Y a, dans, de, enfin, on a l'impression de voir des gamins tout naïfs qu'on verrait tous les jours. Et c'est en plus, ça nous permet de découvrir un peu plus la culture japonaise Oui, tout à fait. à travers ça. On découvre plein de choses de la vie quotidienne aussi. Et ouais, c'est un émerveillement constant. C'est très très rafraîchissant. Et le dessin participe complètement à Ouais. cet état de fait, quoi. On est vraiment sur un dessin qui est clair, qui est simple, mais voilà, simple mais clair, et qui finalement parle à tout le Très monde, parce sobre. qu'on n'est pas du tout sur des choses très alambiquées, on est vraiment sur le quotidien. Alors, faut vraiment le lire pour comprendre, hein, si on n'est pas clair dans ce qu'on dit, mais c'est Ouais, il suffit de lire un ou deux chapitres et c'est bon, on est exactement. sous le charme. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu relis, moi ça me marque toujours, mais quand tu relis le premier tome et quand tu lis les tomes qui suivent, et en fait, Yotsuba Raptis, au début, elle est vraiment très grande en fait. En plus, elle a un design qui change avec le temps, qui s'affine finalement au fur et à mesure que les tomes sortent. Elle se Mais mignonise. oui, exactement. Exactement, et c'est une belle histoire, c'est toujours pareil, on est là on est sur 11 tomes, donc ça se lit très rapidement, très facilement, et c'est vraiment plus pour les adultes évidemment, mais tout le monde y trouvera son compte en lisant Yotsuba, ça c'est clair et net. C'est toujours en Et cours au Japon? C'est toujours en c'est cours, toujours ouais. en cours, ouais. Ça marche très très bien au Japon. Ouais, C'est j'ai vu ça, un carton. Il y a énormément de produits dérivés. Des calendriers, Des des Rivoltech, figurines. des choses comme ça. Il y a, voilà, et puis Pour les bourgeois, dans le ça. manga, il y a Cartox. Alors, Ah rien que pour là, ça, il faut acheter le Cartox. manga. Et le Et livre, alors le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, ce livre de photos. oui, alors il y a plusieurs trucs. Il y a le livre de photos, c'est pas un truc officiel, je crois, parce que c'est Dan Board qui a fait des photos avec justement. Donc, Cartox, c'est un personnage en paix de carton. Apparaît dans le manga qui est devenu un emblème de la série en fait. C'est ça. Et il y a donc la société Revoltech a sorti une figurine articulée de Cartox. Et Le petit logo Amazon.jp. ça, c'est une version spéciale qu'il y a eu sur Amazon, mais il y en a d'autres. Il y a eu plusieurs versions spéciales d'ailleurs, assez publicitaires, assez branding à chaque fois. Mais donc voilà, Dan Board, c'est un photographe. Je crois que c'est Dan Board, je sais plus. Un photographe a acheté la figurine et s'est amusé à prendre en photo la figurine un peu partout, alors au milieu d'une flaque d'eau, dans Mais le monde réel en fait. les photos assurent, en fait, ça fait une vraie histoire, hein, Ouais. t'as un vrai déroulement en fait qui se déroule entre les photos. Et c'est très marrant parce que c'est une figurine qui a aucune expression finalement, parce que ses yeux c'est deux ronds et sa bouche c'est un triangle. Ouais, Donc mais autant les dire ronds, ils que s'illuminent. moins expressif, c'est difficile quoi. Et ouais, et pourtant, Et pourtant il pourtant, arrive. ouais. Il arrive en fait ça peut être un éclairage, ça peut être une inclinaison, une certaine inclinaison de la tête, ça peut être le décor justement qui va jouer à rendre expressif en fait. C'est le décor par le biais du personnage qui va le rendre expressif, et ça c'est je trouve ça très très fort. Alors d'autant plus que au fur et à mesure en fait de quand on lit le livre, il y a un petit cardbox qui arrive, et donc ça rajoute encore plus de mignoncité, on va dire, dans le recueil de photos qui est vraiment très très bien foutu. D'ailleurs, on peut retrouver les photos sur. Il doit y avoir un Flickr où on retrouve les photos très très facilement et en nombre justement. Donc voilà, c'est un peu tous les à côté qu'on a autour de Yotsuba, Yotsubato. Donc on attend la suite avec impatience. Donc le tome 12 en 2013. Donc logiquement, on l'attend de pied ferme. Alors je passais rapidement sur un auteur dont on a parlé il y a encore quelques minutes de cela. qui s'appelle donc Yoshihiro Togashi. Donc on en a parlé pour Level I. On va en parler maintenant pour le manga qui est toujours en cours, que ce soit au Japon ou en France, mais donc En cours, toujours de façon parcellaire, on va dire. voilà. Puisque le précédent tome, le Ah, tome il y a 1, qui... pire. Oui, Ouais, il y a pire. Oui, on va le voir après d'ailleurs, il y a pire. Le précédent tome était sorti le 2 juillet 2010, donc il a fallu attendre 2 ans pour connaître la suite d'une histoire qui n'avance pas. Je troll, donc je troll gratuitement, mais je troll voilà. Efficacement. Efficacement parce que c'est voilà, Togashi, c'est un auteur voilà, qui on l'a vu qui parle beaucoup par le biais de son graphisme, par le biais de ses dessins, par le biais des personnages, par le biais des visages pour lequel il est vraiment très fort. Là pour le coup dans la façon de s'exprimer aussi, ça passe beaucoup par le visage il arrive à faire des choses vraiment très belles, que ce soit même. Ce sont souvent des détails simples, là je suis en train de regarder, par exemple des yeux qui sont vraiment très très bien faits. Mais par contre, on est sur la partie du manga, l'arc, qui a été ouvert depuis plusieurs tomes maintenant, sur le Chimera Ants, donc les insectes en fait qui prennent le pouvoir dans le monde d'Hunter X Hunter. Alors autant dire hein, que sur les tomes précédents, ça mettait du temps, c'était assez erratique, on va dire, au niveau de l'avancée de l'histoire. Autant là, il arrive à faire des choses, il arrive en fait à redonner envie. C'est déjà un peu le cas sur le tome 28, mais là, il donne encore plus envie d'avancer dans l'histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on attend avec impatience les tomes suivants, parce qu'il voilà, il fait enfin avancer, il fait enfin combattre les personnages, il fait avancer l'intrigue. On retrouve enfin Kirua, on retrouve enfin Gon. De façon active dans le manga et pas uniquement en termes de phase d'entraînement. Il y a vraiment des choses qui se passent, notamment au niveau de Gon, des choses assez impressionnantes d'ailleurs, qui m'a laissé pour le coup sur le cul. J'ose le terme. Quelle vulgarité. Quelle vulgarité. Je m'auto-censurerai dans le montage. Voilà, donc toujours pareil d'ailleurs, il est toujours très très très bavard dans ses histoires, il fait toujours beaucoup parler ses personnages. Mais voilà, ça me redonne en fait confiance dans la suite d'Hunter X Hunter. J'ai pas lu les scans, en tout cas ce qui est sorti au Japon qui n'est pas encore sorti en France. Mais autant dire que ça envoie toujours du lourd. Bon, après, je vous avouerai que j'attends avec impatience que la partie Chimera Ant se termine pour ouvrir un autre arc. En espérant que ce ne soit pas le dernier, parce qu'on est habitué avec Togashi à ce qu'il termine de façon abrupte ses mangas. Mais bon, ça reste pour moi encore toujours une valeur sûre, même si le rythme de parution était assez erratique, que ce soit au Japon ou en France. Alors on va passer à la suite, je vous laisse un peu plus la parole, avec Les vacances de Jésus et Bouddha, chez Kurokawa, avec le tome 4, que vous avez lu tous les deux. Donc Kurita Tuntun, je vous laisse la parole sur Les vacances de Jésus et Bouddha. Tuntun, je t'en prie. Ah non, pas encore. Alors, pour faire simple, Les vacances de Jésus et Bouddha racontent Tout est dans les le titre en vacances de fait. Jésus et Bouddha sur Voilà. Terre. Donc, Jésus et Bouddha sont très amis et décident de se rapprocher de leur peuple et viennent vivre à Tokyo. Ils louent un appartement et ils vivent tous les deux en colocation dans Tokyo. Et c'est totalement barré. Juste le pitch, quoi, en fait, voilà. Ouais, juste Bouddha et tout Jésus en ça, colloque. c'est vraiment, sans super déconner, il y drôle. a vraiment que les Japonais pour nous sortir des pitchs comme ça, quoi. Mais c'est super drôle. C'est un humour qu'on n'a pas l'habitude de voir Assez fort, je trouve, quand même. ailleurs. D'ailleurs, c'est assez dur à décrire. C'est entre l'absurde et le. Comment. Il y a des vannes, de gamins de 4 ans, il y a des. Y C'est pas a, très y a... lourd quand même, ça va. Non, c'est pas très lourd, Ouais. mais c'est très spécial, mais Ouais. alors c'est super rafraîchissant. Ouais, tout à Et fait. il y a toujours des situations. Enfin, c'est pareil, c'est du manga tranche de vie. Et c'est un peu comme Yotsuba, en fait. Jésus et Bouddha découvrent chaque jour de nouvelles choses. Ça Donc, se prend y pas a, la tête. voilà, il y a Jésus qui devient accro à World of Warcraft. Il y a Bouddha qui est Qui lit le totalement. manga Bouddha. Ouais, qui lit le manga Bouddha de Tezuka. Ah, excellent. Il y a plein de références, c'est super drôle. Et c'est relativement fin la plupart du Ouais. temps. Et non, ouais, c'est vraiment très très bien. On en apprend un peu sur la religion aussi, hein, parfois. Aussi, ouais. Ça arrive. Vous me donnez vraiment envie de, pour le coup de. Bah ouais, il faut y aller, surtout En plus, que. c'est Enfin, deux tomes par an, donc ouais, il faut profiter. c'est assez. Les sorties sont assez éloignées Espacé, les unes ouais. des autres. Faut savourer, quoi. Ouais. Alors, voilà, là, on va passer sur la grosse partie. Si vous me suivez bien, c'est-à-dire que d'habitude, voilà, sur les mangas qu'on a présentés avant, il y en avait un ou deux, voire un ou deux, qui avaient lu le manga en question duquel auquel pardon, on faisait référence, excusez-moi. Il y a Poun Poun qu'on a tous les trois lu aussi. Ah oui, bah exact. Donc voilà. Donc là, je voulais parler d'un autre manga kana d'ailleurs. Qui s'appelle Bakuman, dont le tome 13 est sorti au début du mois de janvier 2013, donc on n'en parle pas. Oui. Mais on peut parler de toute façon de la série en général, pas C'est très uniquement du bien. tome 12 qui est Tout à sorti fait. donc en 2012. Et donc c'est un manga terrible. Mais je vais laisser Kurita la parole à Kurita d'ailleurs Oui. sur Bakuman. Donc vite fait le piste de départ si on peut Bon, dire. alors c'est deux camarades de classe qui s'appellent Mashiro et Takaki qui un jour décident alors qu'ils sont au collège de devenir un duo de mangaka. Donc Donc, par la même occasion. Hein, pardon? dont l'un s'occupe pardon du scénario Oui, voilà. des Nemo et l'autre du Du dessin dessin, final. tout à fait. Et donc Mashiro a aussi une petite amie, enfin au début, c'est pas sa petite amie, bref, qui elle veut devenir comédienne de doublage. Alors ça, c'est énorme quand même. Ouais. Donc les deux se font la promesse que Ils se lorsque marieront. ouais, ils se marieront lorsque le duo de mangaka aura une adaptation en dessin animé. Et qu'elle fera Aura un la. rôle féminin dedans, voilà. Voilà, exactement. Donc tout part de là, on va dire, toute l'histoire part de là. Mais elle s'enrichit en fait considérablement tout au Tout à long fait. des volumes, parce qu'en fait, on va découvrir l'envers du décor, du Ça, second c'est shot. génial. Et ça, c'est exactement ça, c'est génial. Parce qu'on découvre en fait forcément comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on peut présenter déjà ces dessins, nous, pauvres petits amateurs, au Shonen Jump. Mais c'est vrai, c'est comme ça, parce qu'à l'origine, en fait, t'as vraiment une hiérarchisation. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils arrivent dans des. Bon, ils sont reçus, ils ont appelé, voilà, ils sont reçus, ils ont un badge chacun. Ils vont se retrouver dans un box, limite fermé, tu vois. Bon, il y a quelqu'un qui va les recevoir, d'ailleurs, la première personne qui va croire en eux et qui va les suivre un petit bout de temps, d'ailleurs, et qui va leur dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, bon, bah, revenez quand vous serez grand, vous êtes gentil, voilà. On verra ça après. Puis après, bon bah, plus ça va et plus on va monter. Donc plus on va avoir notamment le bureau éditorial, on va avoir le rédacteur en chef, je sais pas si je puis dire Directeur éditorial. directeur éditorial, ça convient beaucoup mieux au poste en question. Et on va voir vraiment comment ça fonctionne. Et c'est ça que je trouve alors génial, parce que autant ils auraient pu faire une histoire, voilà, pas une histoire bateau, mais bon, bah, on les suivrait dans leur péripétie, dans leurs aventures de création de manga. Autant là, il y a vraiment du concret. Alors, on va parler ici et là de One Piece, on va faire quelques références, mais finalement, c'est pas le principal, puisque ils vont vraiment créer toute une galerie de personnages qui vont être tous des auteurs qui vont participer en fait au Shonen Jump chaque semaine. Hein. Voilà. Toon, toi, ton ressenti par rapport au titre, hein. On avait déjà parlé dans un précédent podcast. Tout à Pour fait. moi, c'est peu près ce qui résume le mieux les codes du Neketsu. C'est vrai. Actuellement, et pourtant, c'est pas de la baston, c'est pas ces choses-là, mais il y a tout ce qu'on retrouve dans le Neketsu habituellement. Et en fait, la baston, elle est présente à travers les dialogues, où il y C'est a ça. énormément de dialogues et beaucoup de confrontations. Des Et confrontations indirectes aussi, à travers les ouais, classements des mangas, tout oui. ça. Ça, c'est vraiment. Exactement. Et en fait, bah voilà, c'est un résumé des codes du Neketsu moderne et ça le fait très très bien. C'est magnifiquement écrit. Enfin, les personnages, il y a toute une galerie de personnages fantastiques. Edgy, ouais, je crois que c'est un des meilleurs Ouais. personnages secondaires que j'ai pu voir dans un manga. Il est génial. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit dans le tome 13, c'est le personnage qui est le plus apprécié Ouais. devant les héros du manga, quoi. Donc c'est assez marrant parce Exact. que c'est un personnage qui est totalement survolté, qui est un peu dans la même trempe, même au-dessus j'ai oublié le nom des héros, Takagi pardon. et Mashiro. Merci. Puisque lui aussi, il est précoce, il travaille tout seul, il a deux séries en même temps, il a déjà une adaptation en dessin animé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit aussi bien l'envers du décor au niveau du manga, mais aussi la transition par rapport au dessin animé. Ouais. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, on pense qu'ils vont réussir, elle va réussir la future femme de Mashiro à avoir une voix. En fait, ils vont tout faire pour pousser pour avoir le dessin animé, sauf qu'en fait, il va d'abord passer par la case drama, parce que faut savoir que c'est comme si, en fait, en France, faut expliquer ce que c'est quand même. C'est comme si en France, en fait, on avait les dialogues enregistrés Voilà. d'un dessin animé, genre Marsupilami, mais sur un CD. Voilà, mais voilà, c'est vraiment ça, quoi. Dialogue du marsupilami Oui, voilà. Non, mais après, Oba j'ai pris un dessin animé au hasard, Oba. mais ou je sais pas, au Totally Spies, quoi, pour être dans le cliché. Mais c'est vraiment ça, quoi. Non, et le pire, c'est que ça se vend, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché pour ce type de pour les Japonais, ça paraît normal. En fait, ça fait partie des goodies qu'on peut avoir aussi bien avec la musique, avec des figurines, avec des mangas si derrière la série fonctionne bien, etc. Et c'est vraiment marrant de découvrir tout ce pan de la culture japonaise au niveau que ce soit du manga que de l'animation, quoi. Et c'est vraiment voilà, une très bonne série. En plus, on peut quand même parler vite fait du trait d'Obata Ah bah, c'est magnifique. qui est magnifique. Alors, aussi bien comme je vous disais avant en préparant le podcast, c'est-à-dire que autant sur Death Note, j'avais eu du mal parce qu'on était sur une série où il avait vraiment. Alors, le trait était magnifique, mais le trait était tellement réaliste C'est très que. sérieux, quoi. Ouais, voilà. Alors que là, il arrive, en fait, je trouve qu'ils sont encore mieux C'était pas utilisés vraiment ici. réaliste, c'est qu'il était beaucoup plus carré en fait. Oui. Ouais. Mais là, on est vraiment. Alors, c'est vrai que là, t'as aussi le côté réaliste, mais t'as le côté où les personnages vont être limite SD, en fait. Tu vas voir, ils vont faire des bouillies pas possibles. Voilà, ils vont avoir des réactions qui vont être exacerbées dans le dessin par rapport à ce qu'ils font, Ouais. etc. Bah, l'univers le permet plus, c'est pour Oui, ça, je pense. exactement. Et chose qui est super intéressante, c'est autant on pourrait se sentir perdu parce qu'il y a vraiment énormément de personnages, autant ils ont eu la bonne idée à chaque fois qu'ils évoquaient un personnage, on le voyait en minuscule, Ouais, il y a son visage. le visage dessiné dans la bulle de façon très schématique, mais qui nous permet Ouais. de savoir de Garder qui le il parle fil. exactement. Exactement. Parce que j'allais te dire, il y a une bonne dizaine, une bonne quinzaine de Bah, personnages il y a les différents. éditeurs, les auteurs, les Ouais. personnages secondaires, tout ça. Ça va vite. Les assistants. Voilà, ouais, c'est vrai. Ça aussi, c'est pareil. Ça fait partie de. Bah, les mangaka ont toujours. La majorité d'entre eux ont toujours eu des Des assistants. assistants. Des assistants qui peuvent changer parce qu'ils peuvent avoir leur série qui arrive. Ouais. Qui arrive soit dans le Shonen Jump pour lequel travaillent les héros, soit dans un autre magazine de prépublication. Mais voilà, c'est un excellent manga avec un scénar toujours en béton. Ça fait partie des. Alors, c'est pareil, c'est à la manière Togashi, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues, mais finalement, C'est tellement intéressant, c'est tellement là, intéressant que découvrir ça. l'envers du décor, tout ça. Exactement. Pour lire un manga, il vous faut Bonne heure. une bonne heure, si ce n'est plus. Ouais. Parce que c'est vraiment une très bonne série à ce niveau-là et qui est toujours très très intéressante tome après tome. Alors, un petit mot rapidement, moi je vais évoquer Neon Genesis Evangelion. Donc édité chez Glénat. Alors ce sont les tomes 12 et 13 qui sont sortis enfin en 2012. Alors on parlait tout à l'heure qu'il y avait 2 ans d'écart avec entre le tome 28 et le tome 29 de Hunter x Hunter. Là on est sur 4 ans d'attente entre la sortie du tome 11 et la sortie simultanée du tome 12 et 13. Alors c'est pareil, là on est sur une publication qui est assez comment dire, qui est absolument pas constante au niveau des tomes. Alors c'est une série, voilà, on a beaucoup beaucoup connaissent la série animée, donc il y a le manga également qui suit la série avec le chara-designer qui est donc Sakamoto qui est aux commandes. Donc on retrouve le trait de la série. Donc voilà, on va pas forcément aller plus loin parce qu'on n'a pas on n'a pas forcément lu les uns et les autres le manga. S'il y a une vraie différence entre l'anime et le manga, en tout cas personnellement je l'espère beaucoup, notamment sur la fin. Donc voilà, on va passer tout de suite alors à Belzébub, édité chez Kazemanga, dont le tome 11 est sorti cette année, entre autres, hein, parce qu'il y a eu plusieurs tomes aussi à sortir. C'est un tome tous les 2 mois. Voilà, exactement. Alors, puisque tu prends la parole, Kureta, je te la laisse. Oui. Alors, Alors, le pitch. voilà, le pitch toujours pour commencer. Donc, alors, le personnage principal s'appelle Tatsumi Yoga. Donc, c'est un peu un délinquant, quoi, issu d'un collège à la très mauvaise réputation qui s'appelle Ishiyama. Et donc, il se trouve que ce jeune homme, un jour, retrouve le bébé du diable. Il le recueille chez lui et va devenir un peu son père adoptif, on va dire. Hein. Et avec ce bébé arrive aussi la servante de ce bébé, parce que ce bébé c'est le futur roi des démons en fait. Hein. Donc sa servante Hildegarde qui va tenter de veiller sur Oga, le recentrer et faire en sorte que il devienne digne d'un tel bébé, quoi, le bébé royal. C'est ça. Et c'est complètement what the fuck à chaque Tout à fois. fait. Bah. Parce que forcément, dans le collège où ils sont, il y a les personnages les plus puissants du Japon Ouais. Toutes les racailles les plus toutes puissantes, les quoi. racailles. Alors, comment il s'appelle le personnage? C'est Alain. C'est pas Alain Delon? Alain Delon, il Alain s'appelle. Delon. Espèce de personnage portail entre les mondes. Tu peux se couper en deux C'est pour ça. accueillir des gens et les transporter D'ailleurs, sa comme ça. première apparition dans le manga est assez phénoménale. Donc c'est voilà, c'est un manga. C'est toujours pareil, on se demande comment les Japonais peuvent avoir autant d'imagination pour créer ce type d'histoire à l'origine, parce que c'est toujours marrant. Puis c'est toujours pareil, c'est qu'on a un dessin où les personnages sont très expressifs. Ouais. Même moi j'adore, par exemple, à un moment il y a le dans le Belzébub qui se retrouve en fait. En fait, comment ça se passe? Oui, en fait, il fait pipi, sauf qu'il a un pipi infini, donc il se retrouve en fait à inonder la maison. Et ça finit en fait avec une sorte de dragon où ils sont obligés de l'amener en pleine mer pour éviter les catastrophes derrière. C'est juste un grand n'importe quoi. Voilà. Antoine, tu voulais peut-être en dire deux petits mots de plus hein? Vous avez dit le principal, et c'est super drôle et c'est bien barré, enfin c'est de l'humour japonais quoi, donc Ouais, faut aimer en fait, hein, c'est ça. c'est C'est assez l'humour Shonen spécifique, Jump, mais on va dire. ouais, mais C'est du non très sens, spécial. quoi. C'est du non-sens, c'est un Voilà. peu la Gintama, quelque chose comme ça, quoi. Pas Ça aussi loin dans le délire quand va pas même, aussi loin dans le mais. délire, mais Pas aussi loin, c'est pas aussi référencé. Oui, voilà. Voilà, c'est pareil, c'est genre de bons Ça se trucs comme laisse ça à lire, voir. quoi, voilà. Tout à Ça se fait. prend pas Et la tête. le côté baston est vraiment pas mal foutu Ouais, aussi. c'est bien fait, ouais. Avec le bébé qui se bat en même temps. Et puis les bébés, ils ont des. Le bébé a une bouille pas possible aussi, tu vois. Ouais, C'est une bouille super simple et il est tout mignon. Il est forcément, assez expressif quand tout à fait. Tu te marres en le voyant, quoi. Et puis quand il est en colère. Le fait savoir. Exactement. On va passer à Vinland Saga. Antoine Tonton, pardon. Un excellent manga qui nous parle de Viking, donc de Oui, bataille. qui parle de Viking, qui parle De Viking. de Viking. Non, mais Ça. c'est comment je pourrais dire? Alors c'est un manga assez ambitieux dans son approche, hein, puisqu'on est sur Ouais, un. parce qu'en fait, justement, on est dans un tournant. En fait, depuis le tome. Donc là, on est à 13 tomes, et depuis le tome 8, 9. Par là, en fait, c'est la fin du prologue. Et en fait, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un manga très action, très basé sur la guerre, etc., et ben, ça change complètement, même si ça reste toujours un manga violent par essence et très, très dur. Mais on est plus dans le côté actuellement, y a un côté plus rural, je sais pas comment on pourrait dire, plus la vie de la vie, Terrien en fait, le côté la terrien. ouais, un peu ça, bah, enfin, avec le côté esclave en plus, parce que bon, c'est quand même les Vikings, ils ont des esclaves, donc, mais non, c'est en fait l'auteur a voulu à travers ce manga, il a voulu parler de ce que lui il est foncièrement anti-guerre, anti-violence, etc. Et il a voulu en parler en représentant la violence justement dans son manga. Et là, ça, le tournant a dérouté beaucoup de monde parce que c'est beaucoup moins basé sur la guerre. Et il y a plus de réflexion sur le côté bah, pourquoi je tue, etc. Et forcément, ça a dérouté beaucoup de gens qui le voyaient comme un manga d'action, alors que c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça. Si, forcément, il y a du sang partout dans les premiers tomes. Donc, Tu prends le premier tome déjà, ça te met tout de suite dans l'ambiance. voilà. Et oui, et du coup, ce qu'il faut aussi parler, c'est le trait de l'auteur, donc Makoto Yukimura. On a vu, enfin, d'ailleurs, avec Planète, qui a fait précédemment Planète et qui a été réédité cette année en Deluxe. En grand Enfin, format en chez format Deluxe, très ouais, gros format. en très grand format, ils appellent ça Deluxe, mais moi j'appelle ça juste grand format Y a rien en parce qu'il plus n'y a quoi. rien de Deluxe Ouais, dedans. le papier est assez cheap, hein, je trouve. Ouais, bah c'est Panini qui fait ça Ouais. et c'est Panini quoi. On n'a rien contre eux, mais. Mais c'est une bonne chose parce que Planète est un très bon manga et on retrouve un peu ce côté. Ouais, c'est assez difficile à exprimer, mais. Chercher le sens de la vie en dehors de la violence, etc. Qu'est-ce que nous apporte la guerre et tout, mais il fait subtilement, Il y a une peut-être grosse trop recherche, pour certains, je pense, il y a mais quand même une grosse recherche documentaire sur la question sur les Vikings, quoi. C'est-à-dire et qu'il. bah ouais, c'est enfin il y a un gros, alors je sais pas si tout n'est pas, enfin c'est sûr, tout n'est pas réel, mais il y a beaucoup de Forcément. personnages qui ont existé. Et il y a quand même beaucoup de recherches sur la vie de tous les jours des Vikings qui n'étaient pas que des guerriers, qui étaient aussi des agriculteurs, etc. En plus, il y a un côté politique avec le prince Knut qui est il y a plein de manigances, etc. Enfin, c'est un manga très très riche et qui est très riche aussi par son dessin, puisque le dessin est Enfin, t'as dit que t'avais vu le premier tome, Romain. Ouais, j'ai lu les deux premiers tomes, en fait, Et où je suppose que, enfin, un des tr premiers trucs qu'on remarque, c'est le dessin de Yukimura qui est très détaillé et qui est assez impressionnant en fait, bah, tout de puisque, suite, enfin, en c'est fait, très réaliste. il a un côté très réaliste, et tout de suite, il met la qualité assez haute. Et la chose intéressante aussi, c'est que le trait, il reste homogène, c'est-à-dire qu'on avait vraiment de la même qualité tout au long d'un tome, quoi. Et Ouais, lui par et contre, alors, c'est pareil, il est. par contre, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que dès le départ, le premier tome, on trouve ça magnifique, etc. Et au fur et à mesure des tomes, on voit pas l'évolution. Et en fait, quand on arrive au tome 13 et qu'on re-regarde le tome 1, on se dit, le tome 1, en fait, c'est pas tout pourri, mais c'est vachement plus simple, il y a beaucoup moins de détails. Et en fait, il arrivait à un tel niveau de détails, de réalisme dans ces tomes 13, enfin dans ces tomes suivants jusqu'au non tome 13 ou tome 11 Alors là, le dernier tome, tome c'est 11 le. Oui. et il arrivait à un niveau extrême de détails qui est vraiment très très impressionnant et je vois peu de mangaka avoir un tel niveau avoir un tel trait, un tel niveau de détail sur leur dessin. J'ai du mal à voir qui pourrait faire mieux que ça. Par peut-être Takehiko Inoue. Mais voilà, c'est très très impressionnant. de ça, la narration, l'histoire, les différentes histoires au sein du manga, tout est vraiment très très bon et pour moi c'est pas loin de la perfection. D'accord, bon, une très bonne surprise qui s'est confirmée. C'est pas vraiment une surprise d'ailleurs, hein. Parce qu'on connaissait déjà son travail sur Planète, comme tu l'as dit précédemment, et ça confirme tout le bien qu'on peut penser de l'auteur, hein. Alors, je vais te laisser encore la parole, même deux fois, de la chance, cette chance. Tu veux nous parler rapidement du Bellblatt, donc qui a connu, alors. Ouais, il y a eu une pause de 2 ans. L'auteur voulait bah, prendre une pause, pris cette pause pendant 2 ans, et là il est revenu dernier, pas celui-là, mais été 2011. Oui, il a repris un rythme plus ou moins régulier, et donc il a ressorti 2 tomes depuis. Et donc Hubbleblad, voilà, c'est pareil, on en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais rapide, c'est la dark fantasy, donc un peu comme Berserk, en plus shonen dans le dessin, peut dire ça. Très violent, beaucoup de fan service, mais avec une histoire de vengeance très très intéressante et qui là malheureusement avec le retour a un peu du mal à se remettre, il a un peu du mal à se remettre en route et ça traîne un peu la jambe sur ces 11 et 12. Mais bon, sur le tome 12 déjà on voit que ça va mieux et je pense que ça va aller très bien pour les prochains tomes. En tout cas, le dessin est toujours très très beau. Il y a toujours beaucoup de sang, donc c'est cool. Et voilà, et l'histoire va quand même dans le bon sens et encore un très bon manga pour les patients. C'est pareil, oui, voilà, pour les patients, et c'est pas, pour parler du graphisme, on est quand même sur quelque chose qui reste, qui est dès le début de haute qualité, qui reste Oui, constant oui, oui. tout au long des tomes, quoi. Exactement. C'est dès le début, c'est très très beau. Et là, dans le tome 12, il y a des doubles pages limite trop. C'est limite trop des fois, mais enfin, c'est pareil, c'est ultra détaillé. Page vraiment très très impressionnante. Tu voulais évoquer également un autre manga de chez Kiyun qui s'appelle Bright Stories. Donc le tome. On a eu un seul tome cette année, Voilà, le le tome tome 4. Hein. 4, le tome 3, enfin la série a été primée à Angoulême en début d'année 2012. Cette série-là n'a pas connu aussi une nouvelle édition plus Et grande? alors c'est Kiyun a sorti une nouvelle édition qui s'appelle Latitude, enfin, c'est un nouveau label qui propose des plus grands formats, une sorte d'édition de luxe. Donc pour Bright Stories, pardon, c'est une bonne chose puisque le dessin, c'est toute la force, enfin une des forces du manga, c'est que le dessin est hallucinant. En fait, je me rends compte que entre Vinland Saga, entre Hubbleblatt, Bright Stories. entre Holic, enfin Bright Stories, j'arrête pas de parler de d'auteurs qui dessinent comme des dieux, mais c'est à peu près ça. Bright Stories, en fait, ça se passe en Mongolie à l'époque de la route de la soie, etc. Et donc c'est une époque où il y a énormément de tapis, où c'est beaucoup de broderies. Bah là, enfin, les détails sont très, enfin c'est très riche, c'est parfaitement reproduit. Et juste, il suffit de prendre le tome 1, de regarder la première page et on comprend tout de suite. C'est un portrait de la jeune fille qu'on va suivre tout au long du manga, enfin, sur une partie du manga, puisqu'il y a d'autres histoires qui vont s'imbriquer. Et principalement, c'est elle qu'on suit, qui va se marier avec un jeune homme. Donc elle a 18 ans et elle se marie avec un garçon de 14 ans, je crois. C'est l'époque qui veut ça. D'ailleurs, elle est un petit peu vieille pour se marier. Mais voilà, la première page, c'est juste un portrait d'elle au moment du mariage où elle soulève une sorte de voile. Et elle a plein de bijoux sur elle. Et juste, il suffit juste de regarder cette première page pour tout de suite tomber sous le charme de Bright Stories. Alors après, au-delà de ce côté graphique, encore une fois, c'est un manga tranche de vie. On découvre un peu la vie, les coutumes, les traditions de ces peuplades, qu'il y a autour de la route de la soie, et de l'époque, etc. Et en plus, très instructif, parce que c'est forcément très documenté. Et c'est très sympa à suivre. Ça fait du bien, c'est pas prise de tête. Il y a des petites histoires avec un peu un fil rouge et c'est très très bien fait. C'est simple, mais c'est très bon. Parfait. Alors, on va quasiment finir avec. Alors là, du coup, on va repasser chez Kazemanga avec une autre force vive du Shonen Jump, si je ne m'abuse. Moi, non. Ouais, Alors, le Shonen Jump aimerait bien. J'aimerais bien en faire le nouveau Bleach ou Naruto, tout ça, mais au final, c'est 150 000 exemplaires par tome, quoi. C'est une série très moyenne niveau vente. Niveau vente, donc c'est... Pourtant, ils font vraiment tout pour le pousser. Hein. Ah ouais, là, ils mettent le paquet, mais au final, non. Et donc, on parle de quel manga ? Toriko. Voilà. On l'avait pas dit. Donc, je fais ce... Alors, l'histoire, c'est... Vite fait, c'est la... Toriko qui chasse. Voilà. Pour créer le repas ultime, pour se trouver les ingrédients ultimes au repas ultime. En fait, vous voyez Hunter x Hunter, les gourmets dans Hunter x Hunter. Oui, voilà, c'est la même chose. Exactement. C'est la même chose. Exactement, c'est clair. C'est-à-dire que forcément, tout ce qui est bon est rare, et donc tout ce qui est rare est protégé par des espèces dangereuses. Voilà. Genre les gorilles à six pattes, genre des espèces de reptiles énormes qui font 10 mètres de long et qui vampirisent une. C'est une des grandes forces, de Toriko, je trouve, c'est l'univers, la nourriture, les monstres, la faune, la flore, tout ça. Ça donne faim, quoi, sans déconner. Oui, ça donne super faim, alors que c'est des trucs qu'on pourra jamais manger en vrai. Tu vois. C'est ça, ouais. C'est. Il arrive en fait à nous faire imaginer des choses qui n'existent pas. Et ça me fait un peu penser à One Piece dans le niveau univers magnifique où on veut habiter et tout. C'est vrai. C'est très riche, très, très varié. Et puis il faut dire que Toriko, le héros, est un peu. N'est pas qu'un peu, est surhumain. Dès le début, on voit tout de suite que c'est un héros qui est fort. On va pas le voir évoluer. Enfin, si, quand même, mais. Oui, mais il a déjà des grosses capacités dès le début. Quoi. Exactement. Il est super fort, il consomme des choses en quantité, dans des quantités pour lesquelles un être humain normal ne vivrait pas très longtemps, je suppose, hein, que ce soit au niveau même de la consommation d'alcool. Il dépense des millions en bouffe. Exactement, et par contre après voilà, c'est un chasseur de nourriture pour le compte d'une société. Mm. Moi c'est pareil, j'ai lu que le premier tome donc je m'arrête au premier tome, mais ça fait vraiment manga d'aventure. On va du pays, quoi. Exactement, on va passer, il y aura des sessions sous l'eau, on va être dans un désert, on va être Ils sont même dans un mammouth à un moment, un mammouth vivant. Ouais. C'était un très bon chapitre, très bon je trouve. Ouais, l'arc, elle a été très très très bien. Donc encore une série qu'on peut apprécier. Après, évidemment, faut faire partie du public. Faut aimer le shonen de base. Parce qu'on reprend vraiment les ingrédients types du shonen. C'est très classique. D'ailleurs, le look est un peu vintage, je trouve. Il fait très rétro, ouais. Exactement. Ouais. Genre Okutonoken, un peu... Un genre mec baraqué des tout petits personnages. Ouais, puis le dessin en fait est un peu maladroit, mais tout en restant précis. Tu vois, il y a du détail, mais. Le look des personnages est assez anguleux et assez bizarre, mais finalement ça passe très très bien. Alors on va finir. On vous a déjà fait une émission d'une heure là-dessus, mais on va quand même parler de Run the Burst. du finish move de Rendezvous tome 8. C'est une série qui suffit en elle-même parce que Air Pump, alors plein d'influences, on a du tout ce qui va être Hanna-Barbera avec les fous du volant, on trouve le côté aventure, sans aller aussi loin, mais d'un de tout ce qui va être les shonen comme on a parlé tout à l'heure, comme un Toriko, comme un One Piece évidemment à son niveau. Il y a énormément d'humour aussi, un petit peu de fan service, mais très bien distillé, très bien foutu. Voilà quoi. Antoine, tu souhaiterais en dire davantage ou... Je pense qu'on en a suffisamment parlé dans le podcast Osada, mais Faut le lire, hein. Faut le lire justement, faut en profiter parce que c'est un auteur qui est pas connu énormément de succès. Run Deverst, en tout cas, Kihun, ouais, c'en est un peu plein. Enfin, il n'y a pas eu assez de ventes sur Run Pourtant, ils l'ont Deverst, mis en clairement. avant. Ouais, Pourtant, ils l'ont mis en avant et ils ont grosse vraiment tout pub. fait pour que ça marche. Et d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça marche pas, parce que le dessin est très attirant et c'est ouais, du shonen épique comme on savait en faire avant. C'est de l'aventure, Vraiment quoi. dommage que ça ne marche pas. Oui, c'est ça, c'est l'aventure. Moi, ça me fait penser à des Yaiba, à des Dragon Ball Ouais, Dragon au Ball, début. ça fait tellement. L'armée fait tellement penser à l'armée du ruban rouge. Ouais. T'es obligé de faire ce parallèle parce qu'en plus, ils sont aussi. J'ai pas envie de dire idiots parce qu'ils ont quand même un but. Voilà, ils ont un but qui paraît sérieux pour eux parce qu'en plus ils ont une arme sérieuse, mais finalement c'est totalement désamorcé par la suite quoi. Et il y a une galerie de personnages haute en couleur, il y a vraiment tout pour plaire. C'est comme bah, c'est Osada, c'est-à-dire c'est un trait dynamique, c'est une dynamique par rapport à la structure des cases, à la structure des planches. Voilà, il a tout pour lui ce manga, et en plus il est court, donc tome 8 tomes ça se lit relativement vite. Et voilà qu'on attend juste que Kiyun ou un autre éditeur nous sorte d'autres mangas de Zada et on lira ça avec grand plaisir. Et ben voilà, je crois qu'on a terminé alors avec les séries en cours. Ouais. On va juste finir 2012 en fait sur les livres, parce qu'il y a quand même eu un paquet de bouquins, un paquet de bouquins, tout est relatif évidemment, mais il y a eu pas mal de livres qui parlent du manga, évidemment sans que ce soit du manga, et c'est toujours appréciable d'avoir ces à côté extrêmement enrichissants au niveau des connaissances. Alors je pense tout de suite au premier bouquin, au premier livre dont tu vas nous parler, Tuntun, puisque c'est le bouquin concernant Naoki Urasawa. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure quand on évoquait Billy Bat. Donc c'est le titre exact, c'est donc Naoki Urasawa, l'ère du temps. Alors c'est chez un éditeur qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Les Moutons Électriques. Le nom, alors j'ai oublié le nom De la collection. de l'écrivain, c'est Ah, Alexis c'est Alexis Orsini. Orsini, exact. Alors le livre est disponible depuis peu d'ailleurs en téléchargement. 5 euros, donc c'est extrêmement compétitif par rapport au prix du livre, parce que le livre était aux alentours de 22-23 22, euros. ouais, Voilà, 22, 22 euros, je crois. et donc ça reprend en fait l'histoire, c'est quoi? C'est une biographie de Naoki Urasawa? Ou c'est des Et clés en pour fait, comprendre? c'est ce qu'on appelle une monographie. Donc, il y a une partie biographie et il y a une partie analyse des thèmes favoris de l'auteur. Donc, c'est écrit, c'est plutôt bien écrit et c'est très facile à lire en tout cas. Il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est très renseigné. Voilà, l'auteur est c'est lui qui tient le plus gros site français sur Urasawa. Qui s'appelle La Base Secrète. Oh, très bien d'ailleurs. Et donc il est extrêmement documenté, il est vraiment fan de l'auteur. Alors parfois ça se voit un peu trop. Voilà, il y a ce côté un peu fanboy on va dire, mais ça reste relativement comment dire ça se voit à certains moments mais assez peu, donc c'est pas gênant. Pour troller un petit peu, vaut mieux être fan du Razawa, d'être fanboy du Razawa, que d'être fanboy de l'auteur de Doubt. Hein, mais bon, ça, ce n'est que. Oh, la petite pique. La petite pique. Facile, c'était Doubt et c'est quoi? Judge. Ouais, Ouais, Judge. mais Judge, c'est pourri. Oui, non, mais Doubt, Bah, c'est pas. Doubt Doubt aussi. aussi. Là, Ah. tu as la même histoire, sauf que t'as pas seulement des lapins, t'as des lions aussi. Ah Ouh! oui, grosse innovation. Grosse Pas des loups. innovation. Et pire, c'est que ça se vend. Ouais, Bref. ça se vend très bien en plus. Parenthèse. Eh, ça cartonne. Ouais. Parenthèse. Et c'est chez Kiun. Les gens qui achètent Judge, il ferait mieux d'acheter Run the Burst. Non, mais acheter un Judge, acheter comment dire, deux Run the Burst, acheter un Adopt Offer si vous voulez, mais putain, achetez-nous Run the Burst. Acheter Skate Dance aussi. Oui, mais ça, c'est pas chez Kiun. On s'en fiche. Ça, c'est 2013, mon petit monsieur. Là, on va en parler quand même. On va en parler vite fait, oui. Alors, tu as fini, Antoine, sur... Comment? Non, je voulais savoir si tu avais d'autres choses à dire par rapport à l'ère du temps. C'est très, très bien. Enfin, il y a beaucoup de... voilà, le côté analyse est vraiment pas mal. Tous les thèmes, donc les personnages, les thèmes préférés de l'auteur, etc., sont évoqués. C'est très bien évoqué. Très bien, bien écrit, etc. Moi, j'ai un petit côté qui me, pas qui m'énerve, mais qui m'a un peu embêté, c'est que c'est très basé sur après Happy, c'est-à-dire à partir de Monster, 20th Century Boys, qui est le centre. On voit que l'auteur est très fan de l'œuvre. Et du coup, c'est très évoqué par rapport à d'autres qui sont peu mis en avant, même si forcément 20th Century Boys, c'est peut-être ce qu'on a fait de plus abouti, peut-être pas de plus abouti, mais de plus ambitieux et avec qui regroupe le plus de ses codes jusqu'à Billy Bat. Normal qu'il soit très évoqué, mais c'est peut-être un petit peu trop au détriment des autres. Mais malgré tout, ça reste un excellent bouquin. Et pour ceux qui veulent connaître un peu plus l'auteur, très grand classique maintenant, bah, faut vraiment l'acheter. Et le coût du pub à 5 €, c'est une très bonne chose. Et même acheter le bouquin, les moutons électriques, comme d'hab, font un super boulot d'édition. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment une lecture que je recommande. Donc l'ère du temps, au mouton électrique, donc sorti cette année en 2012. Alors on va évoquer vite fait deux livres dont aucun de nous trois a lu, mais qui fait partie aussi de ces à côté qui sont très intéressants. Alors je vais d'abord parler de No Life Story aux éditions Mackey Books. Donc c'est un livre de Florent Gorge, donc qui revient finalement sur l'histoire de No Life depuis sa création. Histoire très riche finalement en quelques années d'existence et qui a le mérite de présenter un peu les impératifs et tout ce que peut vivre une chaîne sans beaucoup de moyens, mais avec beaucoup de passionnés à sa tête, quoi. Donc c'est... J'ai une question quand même. Ouais. J'ai beau adorer No Life, hein, je suis abonné d'ailleurs. Ouais. Est-ce que un livre était vraiment nécessaire sur cette chaîne? Alors, surtout un livre au bout de... Alors, c'est vrai que là-dessus, au bout de... T'es sorti au bout de 4 ans, 5 ans. Au bout de 4 ans, donc ça ouais. paraît ah. quand même... Enfin, moi, j'ai entendu plusieurs interviews de Florent Gorge, l'auteur du bouquin. Et en fait, il disait que déjà, c'était pas une commande. C'est lui qui a voulu le faire et c'est pas No Life qui a demandé à ce qu'on le fasse. Ouais. En fait, lui, ce qu'il disait, c'est que là, No Life, c'est pas 5 ans, c'est beaucoup d'étapes avant. Il y a eu France oui, 5, il y a eu beaucoup de choses avant No Life. Et d'ailleurs, il en parle dans le bouquin. Et donc, c'est une histoire qui est beaucoup plus longue que ça. Et en plus, il s'est passé tellement de choses pendant ces 5 ans oui, que vrai. Lui, il s'est dit que, enfin, il y avait tellement de choses qu'il y avait forcément matière à écrire, que c'était important aussi de remettre les choses à plat, quoi. Que ça soit écrit quelque part. Ouais. Parce que voilà, il s'est passé énormément de choses. C'est aussi peut-être un exemple, ça peut être un exemple pour certaines personnes qui projet qu'avec de la persévérance, on pouvait y arriver. Après moi je suis pas non plus enfin c'est Je répète ce qu'il a dit en gros dans les interviews. Je pense en effet que c'était peut-être pas forcément nécessaire de le faire maintenant. Mmh. Et c'est clair qu'il y a pire à dire, mais. Bah, il a trouvé de quoi parler parce que le bouquin est quand même. Ouais, il fait 3 ou 400 pages. Puis Florent Gorge, il écrit bien. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai qu'il a fait des très belles Très très, très bon, belles choses. Oui. Mmh. voilà, il écrit très bien. Il a façon de synthétiser aussi les choses qui est très bien, qui va bien, je pense, pour ce No Life Story. Et moi, je pense que c'est pas, enfin, de mon point de vue, c'était pas forcément nécessaire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Je vais évoquer alors également un livre qui est sorti en fin d'année qui s'appelle donc un livre d'entretien de Jiro Taniguchi, donc titré L'homme qui dessine. Alors c'est un des entretiens effectués avec Benoît Peters qui est quand même un personnage important de la bande dessinée franco-européenne, franco-européenne, Belge. franco-belge, pardon, je me T'es trompe perdu là. dans Il les est temps, je il va t'ai falloir perdu, que t'ailles ouais. te coucher. Ouais, c'est clair, on est déjà jeudi, mon petit bonhomme. Alors, très intéressant parce que c'est pareil, on n'est pas habitué à avoir ce type de livre, et c'est surtout que Taniguchi, en fait, il fait le lien vraiment entre le manga et la bande dessinée franco-belge, puisqu'il a vraiment un style plus européen que japonais, entre guillemets, évidemment. Et donc, c'est pareil de ce que j'ai lu, mais c'est un livre qui me donne vraiment envie d'aller plus loin et de l'acheter. Parce que voilà, c'est un entretien qui est très long entre les deux hommes, qui va parler aussi bien de la vie, de l'enfance de Taniguchi au moment, qu'est-ce qui fait qu'il devient mangaka, qu'est-ce qui fait qu'il a ce style de dessin-là, qu'est-ce qui a pu jouer dans sa carrière pour faire des livres, des mangas, bandes dessinées comme Quartier Lointain, qui est quand même très très très très bien, mais quand même très marqué. Très marqué par la bande dessinée européenne, donc c'est vraiment un livre très intéressant, je trouve, dans l'approche, et surtout pour parler quand même d'un personnage qui finalement dont on parle peu dans les sorties manga, mais qui a quand même son importance aujourd'hui encore, et qui a permis, je pense, même à beaucoup de personnes de s'intéresser au manga par le biais de son dessin, qui permet vraiment de faire la transition entre les deux mondes de la bande dessinée et du manga. Je sais pas s'il y en a certains, si vous avez vu le livre, si ça peut vous intéresser, si ça Bah, vous j'ai jamais rien parle. lu de lui en fait pour le moment, donc T'as pas lu Quartier oh. Lointain? Bah, je dois le lire un jour, je sais. T'as Quartier Lointain, t'as l'histoire de mon père. Il y a plein de trucs, il y a K2, il y a énormément de choses Il y a de Garodan, Taniguchi. Garodan qui n'est pas un manga sur Garuden. les dentistes. Oui, parce que ça se dit Garuden en Ah fait. pardon, autant pour moi. Oui, Garuden qui avait été prépublié dans l'équipe. Exactement. Ah oui, c'est le L'été. truc de sumo là? Non, Alors, non, c'est c'est de pas du sumo, l'habitude. Ah non. c'est plus du free fight en fait. Oui, voilà, c'est ça. Un type qui va défier un peu tous les champions de leur Oui, spécialité. c'est vrai, voilà. Au Paris, il avait travaillé aussi avec Moebius. Alors c'était un one shot, mais qui avait une fin libre, qui était sortie chez Kana. Car. Car. Icar, merci. Qui est bah pareil, en plus c'est deux grands personnages de la bande dessinée, donc c'était intéressant, sauf que ça laisse un goût d'inachevé parce qu'on attend une suite qui n'arrivera certainement jamais, puisque ça fait un moment que le bouquin est sorti. Alors, je vais laisser la parole à Toontoon, une fois n'est pas coutume, puisqu'il va nous parler d'un livre Ça va faire mal. loin d'être Non, mais ça va être vite incontournable, fait, qui hein. pourtant s'appelle Les 120 mangas incontournables, donc c'est édité chez 12 bis. Alors explique-nous, Antoine, Toontoon, pardon, en quoi est-ce une bonne ou une mauvaise idée de l'acquérir, hein? C'est une très mauvaise idée de l'acquérir, je trouve, parce que c'est nul. Non, mais voilà, le titre, c'est Manga, les 120 incontournables. Oui, très bien. Déjà, résumer à 120 mangas, c'est pas simple. Mais en plus, je pense que quand on parle d'incontournable, c'est mieux de parler de séries achevées. Or, là, c'est pas du tout le cas, parce qu'on en a parlé, il y a I Am a Hero dedans. C'est tous des mangas sortis en France. Et ça parle de I Am a Hero, sorti cette année. Ça parle de Bakuman, qui est publié depuis 3 ans chez nous. Alors, c'est des séries que j'adore, c'est très très très très bien. Et voilà, elles figureront certainement dans les 120 incontournables dans 20 ans. Mais là, à l'heure actuelle, elles sont encore en cours. Il y a des séries, enfin Wolf Moon par exemple, qui est pareil, il doit y avoir, je sais pas, 10 tomes à tout casser. Ah même pas, attends, j'avais le chiffre tout à l'heure, je te laisse continuer si tu veux, mais... Attends, oh ben non, non, j'ai supprimé, donc je ne pourrais pas te dire. Mais voilà, il y a Les Vacances de Jésus et Bouddha, Thermae Romae, j'aime beaucoup, mais enfin, parmi les 120 incontournables, il y a tellement d'autres choses à mettre. Surtout, il Par y a des choix exemple, assez bizarres, hein, à par lire. exemple, il y a pas Jojo's Bizarre Adventure, Et c'est qui est quand vrai. même un monument et qui est, c'est une vraie influence pour les mangas au Japon. C'est une œuvre phénoménale et c'est pas présent. À côté, t'as Bleach et Fairy Tail, voilà. Et voilà, t'as Bleach, Fairy Tail qui sont des bons mangas, hein, Moi, j'ai rien contre, hein, ouais, mais mais voilà. enfin des parmi les 120 incontournables, il y a des choses tellement plus importantes qui ont marqué tellement plus le média, enfin le manga, l'histoire du manga. Bah, je sais pas, je comprends pas trop la logique. Et en plus, alors c'est sous forme de chaque œuvre a le droit à une double page. Et donc c'est divisé en trois parties. L'histoire, donc avec un long résumé de l'histoire, le commentaire qui est très souvent à peine plus long, voire même plus court que le résumé de l'histoire. Et c'est pas très intéressant. Et puis enfin, en plus, c'est écrit, c'est pas très bien Ouais, écrit. le style, C'est, c'est... enfin, les avis, il y a rien qui fait forcément envie. La façon dont c'est raconté, je sais pas. Alors peut-être que nous, on n'est pas forcément mieux là, sur notre podcast, mais je sais pas. C'est quand même. Alors c'est Olivier Richard qui avait a préfacé par de préface de Mouloud Achour. Ouh, Donc mais j'ai voilà. rien contre lui, mais franchement... Mais Olivier Richard, c'était lui qui avait fait donc qui est un ancien qui a bossé chez Player One et qui avait fait justement la rétro Player Les One chroniques de Player One qui étaient éditées à l'époque chez Pika. exactement. Donc là c'est édité par 12 bis et non bah enfin c'est je sais pas comment dire Le juste problème, en ne fait, l'achetez pas quoi, le 10 euros problème, c'est c'est 10 euros que foutus en l'air. de toute façon, déjà, comment choisir 120 mangas? Chacun, tu demanderas à 10 personnes, chacun aura une liste différente. Donc le problème, c'est que c'est une liste qui paraît totalement subjective. Je sais pas s'il dit la façon dont ont été sélectionnés. Je sais Si... plus, Ah, moi, c'est un pas peu... spécialement, C'est non. surtout qu'est-ce qui marche... Il dit que c'est subjectif, et ouais, il y a ce côté-là un peu qui Surtout les ressort, c'est succès et tout. les blockbusters, ils sont forcément présents, quoi. Donc, Ouais, voilà. oui, il y a des mangas qui se vendent très bien et qui sont pas Donc, forcément. il parle pas de Run the Burst, quoi, par exemple. Non. Là. Ni de Achille 21. Ni de Achille 21, tout à fait. Voilà, non, il y a des gros manques et bah, c'est forcément très très dommage. Surtout que il y a des sites internet pour faire qui font des tops. Il y a plein de trucs pour se faire un avis sur les mangas. Alors ça aurait, je pense que ça aurait été bien d'apporter un côté plus culture, plus historique Donner un de autre la titre en chose fait. aussi. Aussi, mais voilà, quand on parle de 120 incontournables, c'est pour moi c'est des œuvres majeures, des trucs qui ont marqué comme Akira, comme Dragon Ball, comme Bah, One Piece actuellement, les même si c'est pas Tetsuka, fini, mais bon, les Kutonoken, enfin Blackjack, il y a Astro. voilà, donc ceux-là ils y sont, mais il y a aussi beaucoup de manques. Et malheureusement, il y a des trucs aussi qui n'ont rien à faire là. Je veux dire, Thermae Romae, Wolf Moon, c'est pas Surtout que des c'est. incontournables, quoi. Surtout qu'on est sur des mangas qui sont. Pour l'instant, il y a que quelques tomes qui sont sortis en France. Je veux dire, Thermae Ben Romae, il y voilà, en a 4, Wolf Moon, il y en a c'est pas 3. fini, Voilà. quoi. On n'a pas le recul pour juger. Exactement, parce Exactement. que souvent les séries vont avoir un bon début, vont savoir bien commencer, mais par contre derrière, ça va complètement s'effondrer au niveau de Bah voilà, ouais. l'intrigue. Donc c'est pas très intéressant et c'est pas très parlant non plus, parce que si quelqu'un veut se faire la série, il y a tellement d'autres choses qui peuvent être Et puis intéressantes. c'est trop peu, enfin, dealing pour donner un Oui. avis. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est Voilà, clair. tu vas sur un site de un site de manga comme Manga News ou Manga Sanctuary, tu vas dans la Mangatech, puis tu regardes les trucs les mieux notés ou un au hasard, et puis t'as des dizaines d'avis. Je vois pas trop l'intérêt, et je me suis fait enfler de 10 € et ça me fait bien mal. Je vais juste terminer sur un livre alors qui n'est pas sorti en 2012, mais dont l'édition de poche est sortie en 2012. Donc c'est aux éditions Piquet. Ça s'appelle Manga, Histoire et Univers de la bande dessinée japonaise. Alors c'est écrit par Jean-Marie Bouissou. Alors ça fait un petit pavé quand même, parce que ça fait plus de 450 pages. Et alors, il y a un côté très. Alors le monsieur est un universitaire, donc il a une façon d'écrire. Bien à lui, voilà. Je trouve que c'est un excellent manga en ce qui concerne la démocratisation, un excellent livre, pardon, concernant la démocratisation du manga et concernant l'explication de pourquoi le manga est tel qu'il est aujourd'hui, ce qui va nous parler aussi bien de l'évolution du style du manga, de l'évolution de la société japonaise, parce que on se rend compte finalement que les deux sont liés et que si des sujets de manga sur des mangas émergent à un moment ou à un autre, c'est que la société le permet. Et donc c'est vraiment un bouquin très très intéressant. Surtout, c'est un bouquin qui va parler à beaucoup de gens, parce il donne quand même des exemples concrets. On est de toute façon tout le temps ancré dans le réel avec des exemples. Il va nous parler de GTO. Pour les plus connus, il va nous parler de L'École Emportée. Ça, c'est plus ancien, mais ça a été édité en France chez Glénat. Donc toujours des références à Fruit Basket, à Akira, à Galaxy Express 999. Mais voilà, c'est en tout cas une bonne façon de comprendre ce qu'est la société japonaise à travers le manga, et de comprendre ce qu'est le manga à travers la société japonaise. Ça va parler de tous les styles de manga, du manga pour les enfants, du shonen, du shoujo, du seinen, du manga d'horreur, etc. Donc c'est un livre, en plus en format poche, donc il est disponible à très peu cher, parce qu'il est aux alentours de 8 €. Voilà, c'est une bonne façon, une bonne entrée en matière si vous voulez, si vous découvrez le monde du manga, ou même si vous appréciez depuis longtemps de lire un manga à l'envers, parce que faut pas déconner non plus, quoi. Ils disent pas l'endroit où ils s'appelaient. Voilà, alors pour terminer sur cette remarque totalement inutile, on va terminer sur les sorties de 2013, ce qu'on a pu remarquer qui peut être intéressant sur 2013. Alors, pour commencer, alors il y a déjà un carnet de croquis de Takehiko Inoue, donc le monsieur qui est derrière Slam Dunk, Vagabond. Vagabond. Et donc, Kazemanga va sortir un produit assez étonnant, puisqu'on n'est pas habitué à voir ce type de choses, parce que donc déjà c'est un carnet de croquis qui s'appelle Pepita. Et en fait, c'est un carnet de croquis du mangaka sur la ville de Barcelone, sur sa découverte de la ville de Barcelone. Donc, on va découvrir un peu ce qu'est la ville de Barcelone à travers son regard, à travers son dessin. Et avec le carnet sera disponible un DVD du making-of. On va le suivre en fait pendant 1 heure sur l'élaboration de ce recueil de croquis. Alors ce sera disponible de mémoire au niveau du mois de mars 2013. Que dire de plus? Alors je veux bien que tu me parles, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Kurita de Skate Dance, Oui, qui bah a... Toon Toon pourra aussi en parler, vu qu'il l'a lu. Donc Skate Dance est sorti 3 janvier, je crois, enfin début janvier. Les deux premiers tomes ont un prix Oui, deux premiers tomes. Ah oui, parce compétitif. que en fait Kazemanga a fait une offre de découverte, on va dire. Les deux tomes à 4 € chacun. Au final, c'est presque le prix d'un manga, non? Tout à fait. Malheureusement. Skate Dance est une série comique tirée du célèbre Shonen Jump, qui se focalise sur le Skate Dan. En fait, c'est un groupe d'élèves dans un lycée qui a pour but, un peu comme dans Medaka Box, d'aider leurs camarades du lycée. Donc, peu importe la situation. Par exemple, dans le premier tome, on aura qu'est-ce qu'on avait déjà? J'ai oublié. On a un singe qui s'enfuit avec une bombe. On D'ailleurs, a. il est très drôle ce Ah chapitre. oui, c'était un des meilleurs. Le type qui balance des pots de peinture sur les gens. Oui, on a aussi un samouraï des temps modernes qui fait du kendo et qui trouve sa puissance dans des pastilles à la Oh menthe. merde. Oui, en fait, c'est comme dans tous les gags manga, je pense que la force, ça sera dans le casting qui va s'enrichir au fur et à mesure. Du coup, on aura des interactions entre les personnages de plus en plus décalées, on va dire. Donc, à noter aussi que l'auteur était assistant sur Gintama, donc une autre série comique assez célèbre. Ceci explique cela donc. Oui, donc on ressent bien la patte Gintama dans Skate Dance, je trouve. Par contre, je prédis Ouais. un gros flop, vu que c'est un gag manga, et qu'on est en Ah bah France, oui, bah ça se clairement. vend pas. Clairement, c'est. Je sais pas trop comment ils vont le marketer, Ouais, ils ont mais pas là l'air de déjà vraiment pousser. leur promo elle est pas mal. C'est Ouais. deux pour l'achat des deux premiers tomes, en fait, chaque tome est à Ouais, c'est 3,99 €. ça, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait pu dire aussi. Alors, je crois pas que ça va viser ça date de 2012, mais le fait que maintenant, quand une série sort, il y a souvent les deux premiers tomes qui sortent en même temps. De Ouais, ça façon. fait déjà Ouais, 2-3 ans que c'est comme ça. on a eu ça pour Bakuman d'ailleurs. Bakuman, Ouais. bah pour beaucoup, Kana fait beaucoup ça. Il y avait eu Ouais, donc ouais. pour Poon Poon, il y avait eu ça. Pour Bah, Ratman, un maintenant, autre. quasiment tous les lancements, ils sont à deux tomes. Ouais. Même quand il y a peu de Bah, tomes dans la série et que ça Medakabox, il y a eu avance deux pas. tomes. C'est une bonne façon Parce que surtout de. c'est plus facile de mettre en avant un manga Ouais. avec deux tomes et Parce les gens que. comme ça découvrent Ouais, voilà. d'un coup T'as plus pas à de attendre choses dans la série. 2 mois pour le prochain tome. Les gens vont oublier, tout ça. Bah, surtout, ils vont déjà avoir un. Sur deux tomes, ils vont déjà avoir un avis suffisamment Ouais, important voilà. et Ouais, avancé ouais. pour savoir si la série les intéresse ou pas, quoi. Ouais. On pourra parler aussi, donc on parlait tout à l'heure de Naoki Urasawa, de la sortie enfin de Master Keaton. Parce que c'était un des mangas qui était un des rares mangas de Urasawa qui n'était pas encore traduit en. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que la série animée est disponible depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, donc en coffret DVD en France. Sauf que le manga, lui, forcément, parce que ce sont pas les mêmes droits, était toujours bloqué pour une question de soucis entre donc Urasawa et le scénariste de l'histoire. Et en fait, ils se seraient suffisamment bien entendus sur la résolution du conflit qu'ils travaillent de nouveau ensemble sur une nouvelle série. Alors, par contre, là, donc, ce sera toujours chez Kana. Et l'édition, ce sera l'édition Bunko, je crois. Édition en Ouais. tome. Deux tomes sur réunis en un seul, hein, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, Je je crois, crois, de je suis plus mémoire. sûr. Ce sera édité chez Big Kena. Donc, c'est dans la collection Big Kena. On peut parler aussi du retour, alors ça c'est toujours chez Kurokawa, de Hiromu Arakawa, pardon, la dessinatrice que l'on connaît, la mangaka que l'on connaît pour Fullmetal Alchemist, et qui revient avec un manga agricole, Silver Spoon, Silver Spoon. la cuillère d'argent. Ouh. Alors, est-ce que Un vous avez programme. eu l'occasion de lire un peu? Non, j'en ai Non. entendu du bien, donc Ouais. j'attends avec beaucoup d'impatience. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien et en plus il a déjà été primé. Ouais. Il a déjà eu une récompense au Japon. Ah, donc c'est bien Sais parti plus pour comment ça un. s'appelle, mais c'est une récompense assez prestigieuse. C'est pas le prix de Oui. Tezuka? Non. Non, non, Non, non. non, non, c'est un truc qui est assez récent. Enfin, il y a. Je crois que c'est la 5e année ou un truc comme ça qu'il y est, mais. pardon. Mais c'est un gros prix. Avec beaucoup de personnes de la profession, etc. Et donc elle a gagné ce prix-là pour le meilleur manga. Alors c'est surtout intéressant, alors déjà parce que Kurokawa fait déjà la publicité, parce qu'on peut trouver dans les boutiques les Ouais. premières pages disponibles gratuitement du manga. Bon, il y a une dizaine de pages, hein, c'est très très rapide. Ensuite, c'est parce qu'on est sur un manga qui est quand même sur un sujet pour lequel on n'est pas habitué, en tout cas sur Ouais. un environnement, parce qu'on est sur un lycée agricole, donc c'est assez rare. Le dernier qui avait traité de ça, qui m'avait bien plu, alors c'était pas alors je crois qu'il a été adapté en manga, mais je l'ai vu en animé, c'était Moyeshimon. Mais après, c'est un autre. C'était un autre, comment dire, un autre sujet, mais il prenait place dans le cadre d'un lycée agricole, et je trouve ça assez dépaysant et assez sympathique comme lancement pour une série, quoi. Donc j'attends avec impatience, et puis bon, vu ce qu'il a fait sur Fullmetal Alchemist et sur Hero Tales également, j'ai hâte d'en voir un peu plus. D'ailleurs, il y a un animé prévu en 2013, donc ça a encore boosté le truc, hein, je pense. Ah oui, en effet, ouais. Ça se vend d'ailleurs très très bien en ce moment. Donc... Alors, je te laisse avec la prochaine news qui sur Enfin, ce qu'on pas va voir sur grand-chose à dire. 2013. Alors, non, juste, non, c'est juste que j'ai envie de t'entendre prononcer le nom en fait. Je te laisse juste avec ça. Shihayafulu. Très Shihayafulu. bien, deux fois. Allez, il est Ouais, fort, deux hein. fois. Attends. Donc, je vais faire le topo Et vite fait Romain, parce tu peux le dire, s'il te plaît, très bien. Shihayafulu. Tu vois? Bien joué. Eh. Alors, c'est quoi, il y a une idée du pitch de Alors, départ? vite fait, parce que j'ai pas grand-chose à dire au final là-dessus. Donc, c'est un josei déjà. Donc, c'est ça, ça se. Comment dire? C'est pour C'est pour les femmes adultes. les femmes adultes, tout à fait. Donc, mine de rien, j'ai pas l'impression qu'on en voit beaucoup en France. C'est peut-être Ouais. moi, mais. Peut-être de masse. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un genre qui m'intrigue. Et surtout avec le thème abordé cette fois, c'est le jeu de cartes Kanuta, donc un jeu de cartes traditionnel au Japon. Mine de rien, bah jamais entendu parler, et du coup apparemment c'est une très bonne série et sur un thème bah, peu abordé finalement. Bah je suis très curieux de voir ça. Oui, Voilà. carrément. Bah, c'est un peu comme à l'époque quand on avait eu Hikaru no Go, quoi. Ouais, Parce tout à fait, que ça me rappelle ça en fait. c'était pas du tout connu. On savait pas. Déjà, c'est compliqué de voir un manga qui fait dont le sujet principal c'est ça, quoi. Faut Ouais. qu'il y ait vraiment une histoire et comment dire des rebondissements intéressants pour intéresser le comment dire le lecteur. Et puis bon, là on est sur un jeu. Alors c'est vrai que le josei en France on est habitué, on a du shonen, du Du shoujo shoujo et du seinen. et du yaoi. Ouais, mais ça le Et d'ailleurs, ça me fait penser. Là, je suis en train de regarder des images du manga. Et ça me fait penser à Skate Dance, en fait. Où il y a une histoire avec. Ouais. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a l'histoire avec une fille qui fait partie du club de manga. Ah oui, normal. Et qui est très fleur bleue. Et qui s'imagine, qui se fait plein de films et tout, avec des princes charmants, machin. Et quand elle parle dans le manga, les Se villes, elles ressemble en sont. shoujo. Tout se Ah transforme en merde. shoujo, il y a des étoiles partout, il y a un effet blur un peu, enfin, un peu de C'est. flou avec des bulles pleines de fleurs et tout. Et là, je vois les images et ça m'a trop fait penser à ça. Pour Ouais, donc parler de faudra skate. accrocher au style assez Ouais, c'est différent parce que c'est très shoujo, enfin, c'est mais très. bon quand t'as une bonne histoire derrière au final voilà. Puis bon, j'attends de voir. les Japonais, ils peuvent te faire des mangas sur la Ah bah boulangerie, sur ah le mais vin, sur totalement le go, enfin, ils peuvent te faire des mangas sur tout, donc. sur football américain. Football américain, ouais. Les pirates. Ouais. Ouais, Tu bah ouais, regardes. tu peux leur donner n'importe quel thème, ils te feront un Ah truc. si, ils peuvent te faire un manga sur les grenouilles de l'espace qui t'envahissent et en fait elles font le ménage chez toi. Ça s'appelle Keroro et c'est génial, hein. Faut lire. Mais Alors. ouais, donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Après, faut vraiment accrocher au dessin qui est Ouais, bah. très typé. José, justement, c'est Ouais, clair. Shoujo, je sais. Bah, c'est vrai que ça fait vraiment penser à du shoujo, mais un peu plus mature au niveau du dessin, donc ça correspond parfaitement à la cible derrière tout ça, quoi. Le thème a l'air intéressant, donc bah, Ouais, voilà, voilà. exactement. Juste à voir, quoi. Ouais, voilà. Alors, deux dernières nouvelles. Alors, je vais d'abord commencer par Ranma 1/2, peut-être, j'espère, c'est ce qui est indiqué là. Donc, c'est Toon Toon, donc il souhaite ardemment une réédition à la manière de ce qui a été fait pour d'autres mangas. Pour Dragon Ball, Dr. Slump et Kenshin. Tout à fait, dans Dans des les perfectes beaux. éditions. Voilà, Kenshin est tellement belle. Ouais. Ah, mais j'ai les anciens, Oui, bah la nouvelle est encore mieux. j'imagine bien, ouais. Les Et couvertures. alors, les couvertures, elles sont trop trop belles. surtout que. Non, mais c'est pas ça, c'est surtout que dans les anciens, t'as les onomatopées qui te Oui. bouffent. C'est Tu clair. te bouffes toutes les cases et tu vois, tu comprends pas ce qui se passe, tu fais wouch, t'as genre le mec qui sort son sabre de son fourreau, wouch, et puis tu vois que le sac, quoi, tu me dis, mais on s'en fout, putain, on veut voir ce qui se passe derrière. Alors, si ça peut Ouais, et permettre d'avoir. justement, les perfect editions pour ça, elles sont vachement bien parce que C'est retraduit, nouvelles les onomatopées, retraduits, les pages onomatopées sont couleurs. traduites en petites, les pages couleurs, le papier est de très bonne qualité, Ouais. le format est agrandi, enfin. D'ailleurs, enfin moi j'ai les Doctor Slump, mais Dragon Ball c'est très bon aussi. Ça prend le dessin de Toriyama est génial. Et donc là, pour Ranma 1,5, ça fait 2 ans qu'on en parle. Glénat évite d'en parler. Enfin, ils ont dit qu'ils arrêtaient d'en parler parce qu'il y a eu des difficultés au niveau de trouver un accord avec l'éditeur Japon. japonais. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. On sait pas trop où ça va, mais on sait qu'ils veulent l'éditer et je croise les doigts pour que ça soit en 2013. 2013, puisque l'édition arc-en-ciel, c'est quand même pas terrible pour un manga de cette classe. C'est vrai que c'est l'un des seuls mangas qui n'a pas connu une autre édition que la première, hein, finalement. Le manga, non, mais un très grand manga qui mériterait, oui. Alors, on va finir sur un gros pari. Bien pareil. Un gros pari de chez Tonkam. Puisque, alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, donc, on va le dire tout de suite, c'est par rapport à la réédition de JoJo's Bizarre Adventure. Alors, Tout à fait. je veux que tu nous expliques par contre, parce qu'il y a différents arcs, Oui. différentes parties. Alors, ça, c'est quelle partie qu'ils veulent Donc, ressortir? Stardust Crusader, c'est la troisième partie de la série JoJo Bizarre Adventure, Ouais. donc qui existe depuis des années. Oui. Euh, Dans donc, 7. oui, il y a 7, 8, non? 7, 8 8. parties. 8 Là, on est à parties en Jojo tout. Lyon qui est la 8e. Tout à fait. Donc, Stardust Crusader, c'est considéré comme la plus populaire de la série. Et donc, bah, c'est par celle-là que Tonkam va commencer la réédition de JoJo Bizarre Adventure, qui était édité il y a très longtemps par Gélu, si je dis pas de bêtises. Sur le papier Oui, c'est bizarre de ça. Gélu. Voilà, le papier horrible. Donc, ils ont décidé de rééditer tout JoJo. Et juste les éditions j'ai lues qui se vendent en moyenne à 35 € Oui. internet. Donc, Stardust Crusader devrait arriver fin janvier, si je dis pas de bêtises. Et en même temps, on Ouais. aura aussi Steel Ball Run, qui est inédite en France, une autre partie de JoJo. La partie 7. 6, je crois, non? 7? C'est, attends, Stone 7. Océan? Ah oui, c'est après Stone Océan. Ouais. Et c'est juste avant Jojo Lyon, c'est Oui, l'avant-dernière partie en fait. voilà, c'est vrai. Et donc, bah, je pense que ça va se planter. Alors, c'est un peu méchant de dire ça, mais quand on sait qu'il y a 150 personnes qui achètent Stone Ocean, bah, on n'a pas trop d'espoir pour Ah cette réédition. merde, c'est vrai? Oui, du coup, bah, ils vont arrêter les impressions de Stone Ocean et de Golden Wind aussi. Donc, la partie Ouais, qui est avant. en fait, ils vont pas faire de réimpression, ce qui Voilà, est c'est ça, normal ouais. puisque ça coûte très cher. Ouais, pour, et Ils ça se peuvent vend pas, pas en donc. vendre beaucoup. Mais ils ont dit que, si je dis pas de bêtises, ils ont dit que pour Stardust Crusader, c'est Steel Ball Run. Pour qu'ils rentrent dans leurs frais, il faudrait qu'ils vendent 1500 volumes Ouais, autant dire que par bah, tome. c'est pas gagné, je pense. C'est pas gagné, mais je pense que. Surtout vu la communication un peu désastreuse de Tonkam, je trouve. Bah, Parce qu'ils ont, ils ont basé c'est tout vrai leur que. marketing sur les fans existants de JoJo. Ouais, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Genre, ils ont chargé les fans de faire le logo, de faire des forums pour diffuser tout Ouais, ça. Non, mais. N'importe quoi. parler justement et c'est vrai enfin ils ont essayé de créer une communauté Oui, autour de mais au ça, mais final, en fait, la communauté autour de JoJo est assez active, mais au final, elle est super réduite. Donc, voilà, c'est ceux qui achètent déjà Stone ouais, ils Ocean sont passionnés et tout, mais et ça Golden suffira Wind pas, à quoi. l'époque, donc Bah, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a vraiment une demande de la part. En tout cas, ils ont vraiment bien expliqué la situation de Tonkam, c'est-à-dire que. Oui, c'est vrai, mais Ouais, mais ça là-dessus, s'est un ils ont peu dit. retourné contre eux au final. Hein. Oui, ouais, mais Et c'est quand même une beaucoup série qui n'est pas de forcément critiques. évidente, même si c'est un classique du Ouais. manga. Bah oui, je sais pas pourquoi ils le marketent pas comme ça, quoi. C'est un gros classique du Shonen Jump et tout. Bon, après, le graphisme, il faut quand même. Voilà, c'est Oui, le mais bon. problème, je pense, c'est le visuel qui est. Bah ça s'améliore quand même au Très fil des parties. spécial. Bah, je pense qu'avec Steel Ball Run, ils ont des chances de. Ouais. Parce qu'il y a l'univers en plus un peu Far West. Oui, c'est Enfin, ça. pas qu'un peu, parce que c'est C'est le Far West. l'époque. Mais je pense qu'ils peuvent toucher plus de monde avec avec J'espère. Kill Ball Run qui est excellent en plus. Donc, et je pense aussi que les sites, les gros sites d'actu de manga, plus en parler Ouais. que ce qu'ils ont fait pour Golden Wind et Stone Ocean, Ouais, je où pense. ils en ont absolument pas parlé quasiment. Enfin, ça n'a pas été mis en avant. J'espère que Tonkam va faire tout ce qu'il faut en tout cas pour que ça marche, quoi. D'ailleurs, normalement, aux alentours de Japan Expo, ils devraient rééditer la première partie de Jojo Voilà, aussi. c'est mais alors ça dépend Oui, ça dépend des ventes. du succès de Ouais, Stardust Crusaders et Steel Ball Run. ouais. Croise Voilà. les doigts, mais Parce que c'est une bonne en tout série, cas moi donc. je vais les prendre, mais Moi aussi. Romain il va les prendre aussi. Bah voilà, donc ça fait Tout déjà le monde en trois. achète 5, comme Donc ça. il en reste plus que Voilà. 1497. Donc bah ça commence bien, moi c'est pas zéro, tu vois, c'est Ouais, c'est 1497. vrai. Ça va. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un bon tour, là. Voilà, bon tour. Après, il y a toujours des choses pour lesquelles on ne sait pas au courant de ce qui va sortir. On refera un podcast. On fera un podcast toujours. Bah voilà. Est-ce qu'on évoque du ciel les tops? On refait un tour sur les tops Vite fait, ou... oui, parce qu'on a déjà Bah parlé au alors. début. Et Toon. surtout top. Surtout que moi, il y en a deux, trois où Eh j'en bah. Ouais, ai bah pas parlé. tu... Mais non, je vais juste dire quelques petits mots dessus. Rapidement, hein. Je Vas-y, vais mon grand, faire ça vas-y. vite fait. Moi, je suis pareil Donc, que dans mon toi. top, j'avais dit Bonne Nuit, Poun Poun, Billy Ouais. Bat, Bakuman, I Am a Hero, et donc Team Medical Dragon, qui est un très très bon seinen médical. Comme quoi, les Japonais peuvent faire sur un peu tout ce qu'ils veulent. Bah voilà. Surtout que Team Medical Dragon, c'est très axé sur. Il y a un gros côté médical, forcément. Mais il y a aussi un gros côté politique parce que la médecine au Japon, c'est très du pistonnage, du copinage, etc. Bah, Et t'avais un excellent manga là-dessus, c'était Cello to Blackjack, ouais, et ben qui c'est montrait bien un peu ce dans le même problème-là. genre. Et Cello to Blackjack a amené des réformes dans le système de santé japonais. Et ça a été la même chose pour Team Medical Dragon, parce que bah, c'était très poussé dans la critique, du Système. système de santé japonais. Et en même temps, ça apportait des idées pour changer les choses. Et donc là, on arrive, le tome 23 vient de sortir. Il y a 25 tomes en tout, sachant qu'il y en a un tous les 4 mois qui sort. Donc là, il reste plus que 2 tomes. C'est une série très très constante dans l'excellence. Le dessin est très très bon. Et tout le côté politique et tout, c'est très très bien fait. Et donc c'est cette année, comme très souvent d'ailleurs, Medical Dragon revient dans mes tops. Sirène très rapidement, parce que c'est un super shonen. Qui était assez classique au début et qui a pris énormément d'ampleur. Là, on en est au tome 13, on en est au 11e, pardon, je confonds avec Noura. On en est au 11e, il y en a 19 en tout. Le dessin s'améliore de tome en tome, très agréable à regarder. Il y a beaucoup de voyages dans le temps et c'est pas. Les voyages dans le temps, c'est d'habitude très casse-gueule, et là, c'est absolument pas le cas. C'est tout à fait cohérent. Il y a plein de rebondissements, et c'est excellent. Et le dernier que je recommanderais, enfin qui fait partie de mon top, c'est Ascension. Lui, enfin comment je pourrais le décrire? C'est l'histoire d'un mec qui est totalement asocial et qui va se réfugier dans l'alpinisme, une histoire vraiment d'un mec qui vit que pour lui et qui sait pas trop en fait ce qu'il est, et c'est très philosophique, mais c'est super bien écrit et c'est surtout très très très très bien dessiné. J'ai acheté le premier tome, mais j'ai toujours pas vu. Bah lis-le vite Ouais. et je pense que tu vas vite acheter les suivants parce que moi, enfin, vraiment, à chaque fois, j'attends avec impatience prochain tome, ben, le problème c'est que et que ça met du temps à sortir. Ouais. Et que mais voilà, il y a 17 tomes au Japon et la série est finie. Et rien qu'en regardant les couvertures, Ouais, les couvertures sont magnifiques. ouais, les couleurs et tout, le Ouais. dessin, et à l'intérieur, c'est tout aussi beau. Il y a des paysages complètement dingues. Et donc, bah voilà, c'est très très bien. Et en déception, Codebreaker, parce que C'est c'est la chiant. merde, putain, c'est pourri. Codebreaker, c'est chiant. Et One Piece et Naruto, mais ça, c'est plus à cause du format. Je vais pas dire, comme ça, les gens, ils pourront taper dessus après. Et bien sûr, attends, t'as oublié, ça Et va un 120 manga. incontournables, oui. Ça va un manga incontournable Non, faut dont pas tu as trop en parlé. parler, ça risquerait d'en faire la pub. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est plus on en parle, plus on fait la pub, c'est pas bon ça. Kurita, Bah ton moi top. c'est que des mangas qu'on a évoqués auparavant, donc je vais aller très bref. Donc Bonne Nuit Poum Poum comme Toon Toon, I Am a Hero comme Toon Toon, Bakuman comme Toon Toon, Les Vacances de Jésus et Bouddha, Skate Dance évidemment, c'est sorti en 2013 mais bon Merci. voilà. Voilà. Et enfin Toriko, et mon flop, bah Kuroko's Basket. Hein. Comme tu l'as expliqué Mais bon, voilà. c'est le premier manga d'ailleurs qu'on a évoqué dans Tout à fait, il y a 2 heures. on en a parlé dans cette émission. Alors moi mon top, donc il y a Run the Burst, forcément. Il y a Hunter x Hunter, Yotsuba, Billy Bat, j'en prendrai aussi parce qu'il est pas indiqué là, mais Bonne Nuit Poum Poum, donc on est trois à Ah l'avoir dans bah notre voilà. top, parce qu'il est magique ce manga, tout Fait simplement. l'unanimité. Exactement. Bakuman, parce que je l'ai pas indiqué, Oui. mais il en fait bien évidemment partie. Alors les flops, alors c'est un manga, j'ai de la chance entre guillemets, parce qu'il est sorti donc au mois de janvier 2012, et donc ça s'appelle La Colline aux Coquelicots. Si le nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est le manga qui a inspiré le film d'animation du studio Ghibli du même nom, donc qui avait été réalisé à l'époque par Gorō Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki. Alors le manga est très classique, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que graphiquement, c'est pas toujours très lisible. Ça fait beaucoup penser à du shoujo des années 70, le côté très très arrêté, très fleur, le décor. Donc c'est shoujo, c'est pas forcément ma tasse de thé, je l'avouerais bien volontiers. Mais voilà, on est plus dans le côté dessin, Lucie amour et rock'n'roll que. C'est vrai, vraiment, quand tu vois le truc, c'est vraiment le côté classique. Voilà, on est très loin du côté moderne du style Ghibli qui transpire forcément dans le film, avec un chara-design bien particulier. C'est un flop parce que c'est pas que c'est pas que c'est un mauvais manga en soi, mais c'est que voilà, il me correspond pas. Il correspondra peut-être plus à un autre type de public, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Et bon, il y a pas mal de défauts aussi au niveau du dessin, qui est pas forcément folichon folichon quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur cette année 2012. On espère Ouais. forcément une année 2013 aussi riche quand même. C'est bien parti, je pense. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Déjà, il y a Jojo. Ouais, voilà. Ça suffit, Et ça. puis il y a Skate Dance. Et Silver Spoon. Et c'est le Et spawn, ouais. Skate Dance, oui. Skate Dance. Toujours Skate Ranma en demi. Dance. Peut-être. On va dire. Et nos Okina. Fallait que je mise là-dessus. Voilà. Personne ne lit ça. Si, bien sûr que si. Mais si, moi j'ai très envie de l'acheter. En plus, c'est un manga court. Ouais. Ouais. Oui, il va l'acheter parce que c'est un manga court. Hein. Tu remarqueras l'argument imparable. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons vous quitter, que l'on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. Oula, ça C'est devient dur, hein? compliqué. Ça devient compliqué. Puis Nous, voilà, on va se coucher. Ah Puis à la ouais, là. prochaine. À Salut. ciao! Salut! Salut!